C'était une fantastique expérience. Et donc ça va rentrer maintenant dans le répertoire de l'opéra? Je pense, oui. Oui, d'accord. Vous préférez jouer à Bastille ou à Garnier? Je préfère, pour l'acoustique, Garnier, comme c'est une fosse en bois ancienne. Donc et puis il y a la magie de cette maison d'opéra magnifique avec le Chagall, le tableau sur le plafond qu'on voit depuis la fosse. Donc c'est vraiment magique. Encore, ça me fait l'effet après toutes ces années. Mais il y a aussi à Bastille des côtés que j'apprécie beaucoup. Il y a un peu plus d'espace pour le musicien, un peu plus de confort. On a plus d'espace des foyers de musiciens. C'est agréable aussi. Et ça sonne bien aussi, la fosse de Bastille. Et on a donc la plus grande fosse, je crois, des maisons d'opéra en Europe. Une des plus grandes, en tout cas. Et c'est une chance parce qu'on peut donc jouer les opéras à 8, 10 violoncelles. Ça entre dans la fosse sans problème. Qu'est-ce que ça veut dire être violoncelle solo de l'Opéra de Paris? Alors, je suis donc deuxième violoncelle solo de l'Opéra de Paris. Ça veut dire que je suis au premier pupitre, juste devant le chef d'orchestre. Et j'ai commencé ma carrière d'opéra en tant que toutiste. Donc, on commence dans le rang, donc au deuxième, troisième, quatrième pupitre, d'être soliste à l'opéra, à l'orchestre d'opéra. Ça veut dire, on est donc emmené à jouer les solos quand il y a un solo pour violoncelle. Et quand je suis programmée en première violoncelle solo, car je suis aussi programmée en deuxième violoncelle solo, dans ce cas-là, c'est mon collègue qui le fait. Mais il y a plusieurs productions par saison où je suis programmée en première violoncelle solo. Et là, j'ai la chance de jouer donc les beaux solos qu'il peut y avoir et à l'opéra et dans les ballets aussi. Et c'est aussi une responsabilité, bien sûr, parce qu'il faut... c'est-à-dire, au moment où je suis violoncelle solo, je suis responsable pour mon pupitre, donc de violoncelle, qu'on joue ensemble, qu'on respecte les nuances, qu'on suit bien le chef d'orchestre, etc. Qu'on joue avec le violon solo, les violons, etc. Une sorte d'adhésion et de... Il faut emmener tout le monde avec soi. Exactement. Finalement. D'accord. Alors, vous êtes aussi membre de l'orchestre du Festival de Bayreuth. Quelles sont les différences, s'il y en a, entre ces deux orchestres, l'Orchestre de l'Opéra de Paris et l'Orchestre du Festival de Bayreuth? Alors, il y a déjà quelques différences par les traditions des différents instruments. C'est-à-dire, par exemple, la clarinette allemande, la clarinette française, le basson, le fagot. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc il y a déjà quelques choses un peu différentes comme ça, qui dépendent des traditions. Sinon, ce que j'ai remarqué, c'est que à Bayreuth, par exemple, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est les pupitres des violons. Il y a donc ils sont très nombreux, premier violon, deuxième violon, et il y a une homogénéité dans le son que on a parfois à Paris, mais pas aussi exceptionnel. Il y a vraiment, ça joue très très bien ensemble, et il y a personne qui sort de ce son. Tout le monde est intégré dans un son du pupitre, et comme à Bayreuth, dans la fosse, que Richard Wagner a conçu pour son Festspielhaus. C'est très particulier, les violons sont assis tout en haut, après une marche en dessous, il y a les altos, après encore une marche en dessous, il y a les violoncelles, tous 12 violoncelles, donc en rang, un à côté de l'autre. On voit donc très bien les violons qui sont au-dessus de nous, et il y a vraiment quelque chose de extraordinaire quand on entend, par exemple, dans l'opéra Siegfried, dans le Ring de Wagner. Il y a un passage dans le troisième acte, dans les suraigus, on a des premiers violons. Et je dois dire que vraiment, je ne l'ai jamais entendu aussi bien qu'à Bayreuth. C'est un répertoire que vous jouez parfois à l'opéra aussi de Oui, bien ouais. sûr. Ouais. On a fait avec Philippe Jordan plusieurs productions du Ring. et aussi Lohengrin, Parsifal. Donc c'est vraiment c'est notre répertoire à l'Opéra de Paris. Absolument, c'est une, vraiment très important, une partie très importante dans le répertoire de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Et je suis ravie que depuis que Philippe Jordan a joué ses œuvres avec nous, qu'on les joue donc plus souvent. Je crois avant ça avait fait un bon moment que ça n'a pas été joué le Ring notamment. Mais donc c'est un grand plaisir et je trouve que l'Orchestre de l'Opéra de Paris fait des excellentes interprétations donc de la musique de Wagner. Donc j'aime beaucoup et c'est très différent que l'interprétation à Bayreuth. Bien sûr, mais ouais. C'est très très bien. Vraiment, ça, c'est un répertoire, je trouve, qui va vraiment très bien à l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Il faut une sacrée discipline et organisation pour pouvoir faire tout ce que vous faites. Alors, je me demandais à quoi ça ressemble une journée avec vous. Ça dépend s'il y a des répétitions à l'opéra. Ça peut être très chargé quand c'est le début d'une une production, parce qu'il y a des répétitions matin ou matin et après-midi. Mais il y a aussi des périodes où quand nous avons fini les répétitions, nous avons des spectacles uniquement le soir. Ça peut être 5 soirs par semaine, ce qui est évidemment pas négligeable, mais dans ces cas-là, ça laisse beaucoup de temps en journée, souvent. Et ça veut dire qu'on peut préparer son spectacle, on peut donc travailler les solos, on peut travailler sa partition. Et je trouve que c'est quand même... Je suis assez, assez contente. J'arrive à trouver du temps pour mon travail personnel, pour mon violoncelle, et aussi pour donner donc, mes cours au conservatoire. Et ça va plutôt bien. Thank you. Vous venez d'entendre l'Andante et le tout début de l'Allegro vivace de la 4e sonate pour piano et violoncelle de Beethoven, joué par Tatiana Oude et Michael Oude. Alors c'est vous qui avez choisi cet extrait, Tatiana, et quand on vous écoute, on comprend que Beethoven soit un compositeur important pour vous et votre famille. Alors qu'est-ce qui vous attire chez lui et comment l'avez-vous connu et approché? Enfin, connu, vous nous l'avez dit au début, mais comment l'avez-vous approché? Alors, oui, comme j'ai déjà dit, donc c'est un compositeur très important dans ma famille. Et j'ai grandi en écoutant mon père travailler les sonates pour violon, l'œuvre pour musique de chambre, les trios, les sonates pour violoncelle. Et donc, j'ai les connaissais d'oreille depuis petite. Et c'était, quand j'étais adolescente, j'ai déjà eu vraiment envie de découvrir et de monter moi-même ces sonates. Et avant de commencer mes études au Conservatoire de Paris, j'ai déjà donc entamé ce travail avec la 4e sonate, qui est dans la première sonate pour moi de Beethoven que j'ai appris. Et depuis, elle est restée une vraiment de mes œuvres préférées. Alors, on ne le voit pas à la radio, mais les violoncellistes qui nous écoutent savent à quel point cette partition est fournie, avec des nuances, beaucoup de dramaturgie. Comment vous abordez une telle partition? Vous commencez, par placer les notes, vous apprenez la partie de piano par cœur ou vous faites tout en même temps? Oui, je pense que c'est un peu tout en même temps. C'est bien de travailler sa partie, bien sûr, mais d'avoir aussi une vision globale, donc en étudiant la partie de piano, en écoutant aussi différentes versions, c'est toujours intéressant. Et voilà, et après, donc il y a aussi en jouant beaucoup en concert, il y a forcément donc une interprétation qui est formée. Et c'était pour moi donc, vraiment une chance de l'avoir énormément joué avec mon père au piano. Et c'est toujours vraiment extraordinaire chez Beethoven d'avoir autant de contrastes et des ambiances très très différentes, ce que j'apprécie beaucoup chez Beethoven. Alors, votre expérience de musicienne d'orchestre vous a-t-elle fait changer votre manière de jouer Beethoven lorsque vous le jouez comme ça en musique de chambre? Oui, je dois dire, ce qui est très important à l'orchestre, c'est toujours l'écoute. Donc, écouter ce qui se passe autour de soi. Et donc, j'ai appris à l'opéra, vraiment, c'est une chose que j'ai appris, d'écouter vraiment ce qui se passe autour de moi et de jouer avec les autres, les musiciens autour de moi. Et ça, ça m'a aussi, bien sûr, aidé pour la musique de chambre. Écouter le piano, surtout aussi avoir une conscience, quand est-ce que c'est le violoncelle qui prend la parole, quand est-ce que le piano prend la parole et c'est le violoncelle qui doit accompagner. D'avoir une conscience pour ces choses-là, c'est très important, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus important chez Beethoven? Est-ce que c'est les nuances? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que, je ne sais pas, c'est les émotions? Oui, toutes ces choses, absolument, à niveau égal, oui, je pense que c'est les nuances, c'est très important d'exagérer les nuances chez Beethoven. Mais il faut aussi les émotions aussi, de vraiment trouver le bon caractère, le juste caractère pour un passage. Je crois que c'est très important aussi. Et donc les nuances, ça va avec, et en respectant le rythme, donc comme dans ce début de Allegro vivace. C'est très, il y a beaucoup de détermination, beaucoup de presque un peu quelque chose de un peu violent, enfin surtout en venant de cette introduction complètement contrastante, comme un peu dans un rêve. Donc ça fait, c'est important de souligner toutes ces différences et les contrastes. Comment on fait pour jouer un morceau qui a été joué 100 000 fois avant pour ajouter sa touche personnelle? Je n'ai pas trop réfléchi à ça, mais peut-être c'est quelque chose qui se fait aussi naturellement, oui. Je pense. Oui. Et en respectant le texte, en respectant ce que Beethoven a écrit dans la partition, je pense que C'est évidemment le plus important de vraiment chercher qu'est-ce que le compositeur a voulu exprimer. Et avec cette recherche, il y a aussi donc forcément une interprétation, quelque chose de personnel qui va entrer dans l'interprétation, parce qu'on est tous différents et chacun y met un peu une touche personnelle. Et pourquoi pas? Et c'est une œuvre que vous aimez transmettre à vos élèves, cette sonate? Oui, j'aime beaucoup travailler la sonate de Beethoven. Pas seulement la quatrième, mais toutes les sonates de Beethoven. C'est toujours, toujours un plaisir, absolument. C'est incontournable finalement pour les violoncellistes de passer par là? Oui, je pense que les sonates de Beethoven, c'est vraiment une œuvre que chaque violoncelliste doit avoir dans son répertoire. Alors, je me demande toujours, quelqu'un qui fait autant de choses comme vous, comment vous faites pour rester passionné, pour avoir toujours la flamme et l'envie de poursuivre? Il y a forcément aussi des jours où on a besoin de repos, il y a des jours où c'est... où on, aussi, même sur l'instrument, on est peut-être un petit peu fatigué. Alors, il faut aussi savoir gérer la fatigue, bien sûr, et savoir gérer les périodes à l'opéra où il y a peut-être beaucoup de répétitions. C'est vrai parce que nous faisons beaucoup de spectacles à l'opéra et nous sommes donc bien sollicités. Mais je pense que si, donc avec l'orchestre, on a les opportunités, les concerts à faire aussi, autre chose, donc la sonate ou de la musique de chambre à l'extérieur de l'opéra, finalement, ça, on revient à l'opéra, donc plus avec une inspiration. C'est bien de changer, de ne pas faire juste l'orchestre. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de faire différentes choses, parce que comme ça, on s'en lasse pas. Mm-hmm. Dans du sport, par exemple? Oui, aussi, bien sûr. Donc, je suis passionnée aussi de la course à pied. Et je trouve, ça m'aide aussi à bien faire mon travail, d'être en forme, c'est important. Et quand nous faisons des opéras de Richard Wagner qui durent plusieurs heures, je me sens beaucoup mieux quand je suis en forme et bien dans mon corps. Donc c'est aussi une chose importante. Alors, l'émission touche à sa fin, mais avant de conclure, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont vos prochains projets, les concerts, un peu en perspective? Alors, j'ai un quatuor à cordes avec des collègues de l'opéra, quatuor Hernani. Nous avons donc le 7 février, nous avons un concert à Fécamp, en Normandie, où nous devons monter un quatuor de Shostakovich et de Britten. Et nous allons jouer aussi un quatuor de Mendelssohn. Donc c'est vrai, nous avons des répétitions qui commencent dans 2 semaines et il faut préparer les partitions. Donc ça, c'est mon prochain projet de musique de chambre, c'est avec mon quatuor. Et à l'opéra, je suis impatiente. La semaine prochaine, nous commençons les répétitions de Rheingold, L'or du Rhin, de Richard Wagner, pour faire les 4 opéras en 2026 à l'Opéra de Paris. Et c'est avec maestro Pablo Heras Casado. Donc je me réjouis de... commencer cette production la semaine prochaine. Alors merci à toute l'équipe, à Arnaud à la régie, Simon pour la musique. Merci Tatiana, vous deux, d'être venus, d'avoir accepté l'invitation. Alors nous, on se retrouve sur Fréquence Protestante tous les 3e jeudi du mois à 14h. Et en attendant l'extrait final, pourquoi cet extrait, Tatiana, vous deux? Alors, l'extrait donc des cloches de Notre-Dame. J'habite tout près de Notre-Dame et j'entends les cloches depuis chez moi. Et de ne pas les entendre entre 2019 et 2024 décembre, c'était vraiment, vraiment triste pour moi, parce que je m'étais habituée à ce son que je trouve un des vraiment plus beaux sons de cloches que j'ai jamais entendu et j'ai beaucoup voyagé. Et de les réentendre maintenant, c'est extraordinaire. Et donc c'est un son que j'adore entendre. C'est notre affaire, c'est notre affaire, des métiers et des parcours professionnels. Mademoiselle Moustache, Samir. Eh bien, bonjour Samir, aujourd'hui vous êtes dans C'est notre affaire pour parler de votre affaire qui s'appelle donc Mademoiselle Moustache. Il s'agit de deux salons de coiffure barbier uniques en leur genre à Paris. Je crois que le premier est à Daumesnil et le second... Reuilly-Diderot. Voilà, Reuilly-Diderot. Bien, alors nous allons parler de ces salons et surtout et d'abord en premier de leur patron, c'est-à-dire vous-même. Samir, finalement, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous et quel est votre parcours ? Comment est-ce que vous avez commencé la vie professionnelle ? Alors, bonjour Valérie. Alors, je ne suis pas le patron, je suis l'un des patrons, parce que nous sommes quatre. D'accord. Et donc, je suis un cofondateur du groupe Mademoiselle Moustache, qui s'est créé en 2017. Oui. Alors, sur une opportunité, on va dire. En fait, toute notre histoire, c'est que des opportunités. D'accord. Alors, je crois qu'au début, vous aviez quelque chose qui n'a rien à voir avec la coiffure. J'ai tenu un bar tabac pendant 17 ans. Oui. Et ensuite, on a vendu et je me suis mis dans le taxi parisien. Je dis bien taxi, pas VTC. D'accord. Taxi parisien pendant 5 ans. Et avec l'émergence des VTC, de Uber... J'ai décidé de prendre un autre chemin. Donc, j'ai un peu cherché ma place dans d'autres secteurs. Je me suis dit, dans quoi je vais me mettre, dans la restauration ou dans... Et il s'avère que mon épouse est coiffeuse. Oui. Dans un salon de coiffure dans le 12e, qui était dans un salon de coiffure dans le 12e. Et donc, à ce moment-là, je sympathise avec son patron qui me propose de vendre son affaire. Ah. Donc, à ce moment-là, comme je me cherchais, donc j'étais plutôt intéressé. Et au moment de finaliser l'achat, la vente, il s'est rétracté. Ah. Donc, frustré, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais quand même continuer. Et c'est là que j'ai cherché un autre local dans le 12e pour pouvoir m'installer avec ma femme. Et j'en ai parlé à mes amis, qui sont Christophe Martins et Julie Wagner, de mon projet. Et je leur ai dit, je pense que seul je ne pourrais pas, parce que je ne suis pas coiffeur. Eh oui. Donc j'ai besoin d'un barbier, j'ai besoin de coiffeuse. Et c'est là que Christophe m'a proposé de m'associer avec moi. D'accord. Donc j'ai dit ok, donc bingo et banco, on y va. Et on a trouvé un local, avenue Daumesnil. Qui était déjà un salon C'était un salon de coiffure et un salon de massage. D'accord. Donc il y avait deux locaux. Il y avait une côte à côte. Une clientèle en fait. Il y avait une clientèle mais qui était fermée depuis 6 mois. D'accord. Donc on a attendu parce qu'il y avait un problème avec les propriétaires de papier. Du coup, on a attendu. On a eu l'opportunité justement avec le propriétaire de reprendre les deux locaux du coup. Mm-hmm. Donc ils nous laissaient le salon de coiffure et le salon de massage à côté. Mais nous, le salon de massage, ça ne nous intéressait pas. Mm-hmm. Ce qu'on voulait faire, c'était un concept et on voulait un endroit familial. D'accord. C'est-à-dire où un homme et une femme pouvaient aider leurs enfants, pouvaient venir en famille dans un salon de coiffure et chacun dans leur univers. Ah, ça, c'est intéressant parce que c'est tout à fait, effectivement, c'est unique en son genre. Voilà. Coiffure en famille. Coiffure en famille. D'accord. Un côté femme, un côté homme. Et les enfants, au milieu, il n'y a pas de problème. Et séparés. Uh-huh. Et avec deux univers différents. Parce que moi, en n'étant pas coiffeur, je voulais quelque chose d'unique. Je voulais un concept. Parce qu'en ayant fréquenté les salons de coiffure, je trouvais que c'était un petit peu froid et. Et sans âme, c'était pas funky, on va dire. Mm-hmm. Et nous, on a voulu apporter ça dans le monde de la coiffure, un concept un peu plus foufou, on va dire. D'accord. Avec une déco atypique. Oui. Qui, avec toutes nos influences et avec du fun. Un peu de fantaisie et du funk. Et voilà, c'est un concept, c'est un univers. D'accord. Vous n'êtes pas coiffeur, mais enfin, vous avez quand même l'habitude du commerce. Oui. J'imagine que vos années passées à tenir un bar tabac, ça vous a donné la fibre commerciale. C'est ça. J'ai toujours été la fibre entrepreneur. Oui. J'ai toujours voulu entreprendre et me lancer des défis, en fait. C'est pour ça que, en fait, quand je suis comme un enfant. Quand on me donne un jouet. Oui. Et bon, je joue avec. Oui. Et en fait, j'ai envie d'un autre jouet, en fait. Et vous voulez savoir aussi comment ça marche. Voilà. D'accord. Donc, vous vous dites, ah ben oui, si ça fonctionne plutôt comme ça, on va plutôt aller dans ce sens-là. Mais c'est ça. En fait, on n'a fait que des tests, en fait. Oui. On a tenté des choses. Oui. Ça passe ou ça casse. Et Dieu merci, ça a toujours passé, quoi. Alors, je vais revenir sur ce salon un peu foufou. Racontez-moi, c'est quoi l'ambiance de ce salon Dominil? C'est quoi l'ambiance? Funky. C'est-à-dire. Simple et funky. C'est-à-dire. C'est-à-dire, on est une équipe de potes. Oui. À la base. Mm-hmm. On n'est que des amis. Les coiffeurs qu'on a recrutés, c'est que des amis aussi. D'accord. Donc, c'est des gens qu'on se connaît depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, voire 20 ans. Donc, c'est une bande de potes, en fait. Il y a quatre patrons. Il y a à l'époque, il y avait 7 ou 8 salariés, mais que des potes. D'accord. Mais. C'est pas un peu difficile à diriger ? Si. Si, bien sûr. Ah oui, alors. On fait avec. On est des patrons sympas, on est des potes. Quoi. Des fois, vu de l'extérieur, on pourrait même dire que qui est le patron ? D'accord. Parce que tout le monde se comporte comme. Il n'y a pas de filtre entre nous. D'accord. C'est ça aussi l'ambiance qui règne dans le salon. C'est que c'est pas carré, c'est pas cadré, c'est pas comme tout le monde est. Quand le patron arrive, tout le monde a peur, tout le monde. Non, c'est le patron, tout le monde est cool en fait. Mm-hmm. Le patron il est là, qu'il est là ou qu'il n'est pas là, c'est pareil. On chante, on danse, ça chamaille, mais il n'y a pas de discipline fixe. C'est peut-être un tort. Ça peut être un tort. Mais chez nous, ça fonctionne comme ça depuis 7 ans et ça fonctionne très bien au final. D'accord. Alors, il paraît quand même que quand on devient un barbier, on peut avoir non seulement des compétences, mais aussi des récompenses. Mmh. Alors, je me suis laissé dire que quand même, ce sont des potes, d'accord, mais ce sont surtout des gens compétents. Alors, c'est ça. C'est ce qu'on a voulu dès le départ. Oui. Ce qu'on a voulu imposer, c'est l'excellence, déjà, et l'expérience client. Et ça, c'était primordial pour nous. Mm-hmm. On voulait être. En fait, moi, j'ai un concept dans la tête, c'est pour être le meilleur, il faut se former chez les meilleurs et il faut être accompagné des meilleurs. Et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Mon associé Christophe Martins, il a été formé chez les meilleurs barbiers du monde, on va dire. D'accord. En Italie, à Florence. Mm-hmm. Il est parti une semaine chez eux pour se faire former par un maître barbier, mm-hmm. pour avoir toutes les techniques et. Du rasage à l'ancienne, mais vraiment à l'italienne. C'est-à-dire, ça se passe comment, le rasage génitalien? C'est tout un protocole. Ah oui? C'est un protocole. C'est ce qui nous différencie, justement, du barbershop. Parce que nous, justement, on ne voulait pas être un barbershop. D'accord. On voulait, voilà, j'ai rien contre les barbershops, attention, au contraire. Bien sûr. Mais on voulait se différencier, justement. Et on voulait être un salon barbier avec une technique, un savoir-faire qu'on essaie aussi de transmettre. Ah, d'accord. Et c'est important de la transmission, bien sûr, le savoir. Bien sûr. Comme on dit toujours, nous, chez nous, le savoir est une arme. Bien sûr. Donc il faut, c'est se nourrir des autres. C'est, et quand on a une technicité pareille. Il faut savoir la transmettre. La transmettre. Mais alors donc, les Italiens, ce sont les meilleurs barbiers du monde? Pour nous. Pour vous. Mais je crois aussi, on en a même fait des opéras, d'ailleurs. Hein, il paraît qu'il y a un certain barbier, mais lui, il était à Séville. Bon, Italie, Séville, bon, ok. Voilà. Donc, ils sont 12 en France à être maître barbier. Ah, 12 seulement, voilà. C'est pas beaucoup. Et Christophe Martin s'en fait partie. En fait partie, formidable. Voilà. Donc, ça, on est très fiers. Ouais. Parce qu'il est revenu avec le diplôme et le savoir du rasage à l'italienne. D'accord. Et mon épouse et son épouse, Julie Wagner, et mon épouse Sonia Yaïch, pareil, ils sont formés chez les meilleurs coloristes, parce qu'eux sont spécialisés dans la couleur. Mm-hmm. Tout ce qui est couleur, balayage, ombré, soins, capillaires. Et donc, ils sont formés pareil. Aussi en Italie ou en France? En Italie, ils sont partis aussi en Italie, en France, en Angleterre. Voilà, on est vraiment. D'accord. On cherche vraiment toujours l'excellence et d'apprendre, de se nourrir des meilleurs pour devenir le meilleur. D'accord. Parce que on cherche. On n'est pas en compétition, on est en compétition avec personne, mais on essaie toujours d'être au top du. Parce qu'on aime ça. On aime que le client soit content de la prestation et qu'on nous on aime apprendre, on est curieux en fait. Et donc il peut y avoir différentes techniques pour le barbier, j'ai bien compris, mais c'est pareil pour la couleur. Il y a différentes techniques, on acquiert un savoir-faire. C'est pas simplement bon, je voudrais un Auburn un peu comme ça. Non, c'est une technique d'application, c'est une technique de. Non, c'est tout un. Mais quand. Parce que je ne suis pas vraiment capable de juger un barbier, ouais. Mais en revanche, dans un salon de coiffure pour une femme, ça se passe comment? On écoute la cliente, on lui demande ce qu'elle veut, est-ce qu'il y a des modèles? Comment voilà, ça se passe? Elle peut nous montrer ce qu'elle veut, nous explique ce qu'elle veut, on voit ce qu'on peut faire par rapport à son cheveu, déjà. Oui. On lui fait un diagnostic. Un diagnostic, voilà. D'accord. Et on fait tout pour que la cliente ressorte avec le sourire. D'accord. Et qu'elle soit heureuse. En fait, ce qu'on veut, c'est le bien-être de nos clientes. D'accord. Même si ça dure longtemps, il n'y a pas une histoire de rendement, là. Ça peut durer une heure comme 7 heures. Ah oui. Ah oui. D'accord. C'est déjà arrivé qu'une presta dure 7 heures. On reste 7 heures sur la cliente. Wow. Des fois, ça dépasse nos horaires. Mm-hmm. On est censé fermer à 19h, mais ma femme, c'est arrivé qu'elle rentre chez elle à 23h pour arriver à la perfection. À satisfaire sa cliente. Ouais. À la perfection. À la perfection. Oh. Comme elle a demandé. Et c'est ce qui a fait aussi notre réputation. Mm-hmm. Voilà, Ben oui, une réputation, c'est sûr que ça ne se construit pas en un jour. Avez dit, c'est ouvert depuis combien de temps? Depuis 7 ans, depuis 2017. 2017, d'accord. Donc ça, c'était notre premier salon à Doménil. Avant de parler du second, nous allons faire une petite pause musicale. Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun is being in a a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Aujourd'hui, je reçois Samir de chez Mademoiselle Moustache pour parler de ces deux salons. Et nous venons d'écouter un certain Prince. Alors, Samir, Prince, d'abord, première chose, qu'est-ce que nous venons d'écouter ? Sing of the Time. Et pourquoi avons-nous écouté cette chanson particulièrement ? C'est une de mes préférées. Et c'est fait partie de la déco du deuxième salon. Voilà, alors j'allais dire, et pourquoi Prince ? Parce que Prince fait partie de la déco de ce deuxième salon coiffure barbier, des salons absolument uniques à Paris, pas tout à fait uniques puisqu'ils sont deux, donc des salons jumeaux. Et on parle du deuxième salon Mademoiselle Moustache Uptown. Alors, Uptown, c'est du franglais. Pourquoi Uptown ? Alors, il y a plusieurs significations. Déjà, Uptown, ça veut dire quartier qui monte. Oui. Donc, on va dire, on voulait faire monter le quartier Rue Diderot. Donc, on s'est dit, bah, ça sera le quartier qui monte, le quartier Up. Bah oui. Donc, Uptown. Et Uptown, pourquoi aussi Uptown ? C'est un quartier à Minneapolis. Oui. Où j'ai aimé flâner. Avec ma femme, on est parti en 2017, après la mort de Prince, dans les studios Paisley Park et à Minneapolis. Et j'adorais ce quartier-là. D'accord. Et le nom, pour moi, j'aimais ce nom-là, Uptown. Et c'est aussi une chanson de Prince qui s'appelle Uptown. Et voilà, c'était toutes ces significations qui ont fait que dans ma tête, il fallait que je le place quelque part, c'est Uptown. Et voilà, c'était le quartier qui monte, c'est un quartier de Minneapolis. Donc c'est pas mal de significations pour moi qui font que... Et comme je dis souvent à mes associés, quand je m'influence beaucoup, malgré tout, de Prince, mm-hmm. Comment lui voyait les choses, comment il pensait, comment il entreprenait les choses. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Parce que je suis Prince depuis l'âge de 13 ans. Oh oui. Donc depuis 1986-87. Mon Dieu. Je l'ai vu une quarantaine de fois et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans mes choix, dans ma vie. Mm-hmm. Et j'ai remarqué une chose, c'est que quand je m'influence, je prends des choix en lien avec Prince, ça me porte chance, je ne sais pas pourquoi. Ça marche, ça fonctionne toujours. Et pour moi, c'était comme un porte-chance. D'accord. D'associer le nom de Mademoiselle Moustache à Uptown avec une signification avec Prince. Et pour moi, c'est comme on va dire un gris, quoi. D'accord. Un porte-bonheur. Un porte-bonheur, voilà. Alors, ce deuxième salon, il est grand ? Oui, 200 mètres carrés. Ah ! Alors ça, c'est plus un... Il fait le double de l'autre, oui. Du premier. Oui. Et pareil, c'est sur une opportunité, c'était pas prévu. C'est tombé comme ça. Bon. Et comme nous, on est un peu foufou, on aime bien les défis et on n'aime pas s'ennuyer. Et il me fallait un nouveau jouet, avec lequel jouer. Comme on disait dans la première partie de cette émission, d'accord, nouveau voilà. Jouet, 200 mètres carrés. On y va. Le prochain, 400, bon d'accord. Voilà. Et toujours plus haut, toujours plus fort. Mm-hmm. Donc on voulait faire encore les choses encore plus grands. Mm-hmm. Et voilà, c'était le défi, c'était de faire, comme on dit toujours, quand on fait une suite, c'est toujours moins bien. Ouais. On dit ça dans le cinéma ou dans les albums des artistes. Le premier album, c'est toujours le meilleur. Le premier film, c'est toujours le meilleur. Et les suites, en général, c'est pas terrible. Et ben nous, on a fait l'inverse. Deuxième, c'est encore mieux que le premier. Après, le premier est très bien aussi. Bon, là, je parle en déco, je parle pas en technicité. Oui. Mais alors, la déco de ce deuxième salon, je sais qu'il y a une petite particularité quand même. Il y a deux pianos. Mais deux pianos dans un salon de coiffure, mais enfin, vous êtes devenu fou. C'est pareil, c'est les influences, en fait. C'est la musique. Et on voulait justement des choses atypiques qu'on ne voit nulle part ailleurs. Oui. Donc, on voulait mettre des pianos où les clients peuvent jouer. Oui. Comme nos collaborateurs aussi jouent de temps en temps. Oui. Nos invités, on fait des afters, des petites soirées entre copains. On joue, on boit. Voilà, c'est sympa. C'est sympa, ouais. D'accord. Il y a la calandre aussi de Sign of the Time, justement, de l'album, de la pochette de Prince. Oui. Qui est là. C'est pour ça que c'est. Et des guitares de Prince. Et on a une grande girafe blanche. Oui. Qui a une signification aussi, qui n'a rien à voir avec Prince. D'accord. Mais la girafe blanche, parce que c'est des girafes très très rares en Afrique, les albinos. Oui. Et elles sont très très sacrées. Oui. Et c'est des porte-chance aussi. Donc c'est pour ça qu'on la voulait blanche et chez nous. D'accord. Alors, je me suis laissé dire par quelqu'un qui vous connaît que vous aimiez beaucoup la pop culture des années 1980-1990. Ouais. Donc, ça se retrouve ça. Un peu là-dedans, quoi. C'est l'univers Rocky, Belmondo. On adore beaucoup. C'est un grand fan de Belmondo. Puis tous les films des années 80, Retour à le futur. Voilà. D'accord. Il paraît qu'il y a même des guitares. Des guitares de Prince. Des guitares de Prince, des vrais ? Bon, enfin, on va pas le dire. Alors, c'est des guitares de Prince, mais si. Parce que regarde le mystère. Il faut rêver, oui. Hein, il faut y croire, parce que quand on n'y croit pas, hein, la vie est triste. Voilà. Mais alors, on y... La calandre est vraie. Ah, bon. D'accord. La calandre vient de Minneapolis. D'accord. Mais on s'y fait coiffer et on s'y fait tailler la barbe. C'est ça. Ah. Et on se fait colorer les cheveux aussi. Et on se fait colorer les cheveux. Et couper les cheveux. D'accord. Donc, ce sont les mêmes prestations que dans votre premier salon ? Oui. D'accord. Avec les mêmes techniques. Oui. Les mêmes... voilà, c'est... Tout est... D'accord. Et vous avez la même façon de recruter vos coiffeuses, etc. On essaie de recruter, pareil, d'avoir les meilleurs coiffeurs qu'on puisse avoir. Mm-hmm. Et franchement, on a une équipe formidable, que ce soit dans les deux salons. D'accord. En premier, en deuxième, on est fiers de nos équipes et ils sont vraiment au top. D'accord. Vous avez combien de personnel au total ? Alors, on est 24 en tout. Mm-hmm. Donc, on est 12 et 12. Oui. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on est, accompagné par Jean-Christophe Roblot. Oui. Qui est dans le monde de la coiffure... Un spécialiste qui nous aide beaucoup. D'accord. À structurer les choses. Oui. À mettre en place les choses. Et on a besoin de s'entourer de... De conseillers techniques. Voilà. J'imagine. Et puis également, peut-être quelqu'un qui s'occupe de la clientèle vous fait la promotion, la publicité. Ça. Mmh. Et comme je dis toujours, pour être les meilleurs, faut se nourrir des meilleurs et s'entourer des meilleurs. D'accord. Et c'est ce qu'on fait. Alors, il paraît que donc, dans l'événementiel, je me suis laissé dire aussi que vous organisiez des choses. Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui a été organisé ? On a fait un brunch pour le magazine Biblon. Oui. C'était très, très funky. Oui, j'imagine. On a reçu les accompagnateurs de la femme de Prince au salon, qui venaient des États-Unis, qui allaient en Égypte, mais qui ont fait une escale à Paris. Et qui ont découvert le lieu. Et on a fait des soirées comme ça. Ça devait être absolument formidable. Ouais. Et sinon, vous avez fait autre chose pour des grandes marques, peut-être ? Oui, on travaille en collaboration avec L'Oréal. Ah. Avec Kevin Murphy. Oui. Et là, on part au Japon avec Tokyo, un Krami. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait pour L'Oréal ? pas mal de choses. On a fait la Fashion Week. Ma femme a fait des prestations. Des coiffures. D'accord. Et pour L'Oréal, vous avez fait une soirée, je crois, une grande soirée avec beaucoup de participants. C'est ça. C'était avec Biblon. Ah, c'était voilà. Ça. D'accord. L'après-midi, c'était Biblon et le soir, c'était L'Oréal. Et le soir, c'était L'Oréal. Voilà. Et combien de personnes ? On était une centaine. Ah, c'est pas anodin. Non. Et alors, comment ça se passe dans ces cas-là ? Il y a des discours, il y a de la musique, on danse. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Tout le monde est. Voilà, il y a des discours, du bon vin, du. On mange bien. Un bon traiteur. Voilà. Qui était d'ailleurs. Qui est déjà passé chez vous, je crois que c'était Valentin Hérodeau. Oui, mais bien sûr, voilà. Valentin Hérodeau. Mais voilà. Oui, qu'on peut retrouver dans C'est notre affaire, naturellement. C'est ça, voilà. Très bien. Qui était là et c'était très, très bien. Ah oui, ça devait être formidable. Et est-ce qu'on pouvait se faire coiffer ce soir-là ? Ah non. On mélange pas tout quand même. Voilà, c'était pour s'amuser. C'était pour s'amuser. Ça, c'est bien. C'est de savoir que dans un salon, parfois, on peut être là juste pour s'amuser. Ben, c'est ça qui fait. Voilà, c'est ça qui nous fait avancer aussi, ce qui nous fait qui donne envie. C'est pas que d'un salon de coiffure, comme je vous ai dit, où tout est carré, tout est. Non, nous, c'est. Voilà, on est là pour s'amuser aussi. Pour s'amuser aussi, pour faire sourire la vie. Voilà. Très bien. Et c'est pour ça qu'on est funky. C'est ce que je comprends. Et donc, votre promotion, votre publicité, vous faites de la publicité dans les journaux ou plutôt réseaux sociaux ? Réseaux sociaux. Plutôt réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Mm-hmm. D'accord. Et votre clientèle, j'imagine que c'est pas vraiment la mamie moderne, hein. C'est plutôt la jeune fille branchée. Oui, il y a un peu de tout. Des mamies, il y a des jeunes filles branchées, il y a des. C'est un peu tout. C'est, il y a des hommes. Il y a des hommes. Des barbus, des hipsters. Tout. On accepte tout le monde et tout le monde est bienvenu chez Mademoiselle Moustache, de tous les univers. Alors, j'avais une première question parce que quand j'ai appris, je me suis dit Mademoiselle Moustache, c'est quand même un drôle de nom. Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous a inspiré ce nom ou c'est venu comme ça, c'est une inspiration comme ça. Je crois que c'était Christophe et moi. On cherchait un nom. En fait, on voulait un nom qui soit à la fois masculin et féminin. Parce que comme on voulait faire deux univers, eh oui. Il fallait trouver un nom masculin et féminin. Donc on cherchait. Et je ne sais plus si c'est lui ou moi. À un moment donné, on a dit Mademoiselle Moustache, parce que Mademoiselle pour les femmes et Moustache pour les hommes. Eh ouais, oui. Et là, on a dit OK, banco. Ah bah oui. Et parce... donc, on a appelé nos femmes. Qu'est-ce que vous en pensez de Mademoiselle Moustache ? Ouais, pourquoi pas, ouais. Et voilà, c'est parti comme ça. Formidable. Alors, est-ce que vous avez... On arrive bientôt, malheureusement, au terme de cet entretien. Est-ce que vous auriez une petite anecdote comme ça, une histoire marrante qui s'est passée il n'y a pas longtemps à me raconter ou est-ce que vous avez une star qui est venue ou qu'est-ce que vous avez envie de raconter comme petite anecdote dernière avant de nous quitter ? Oui, bon, après des stars, il y en a quelques-unes qui viennent de temps en temps. Ouais. Du monde de la chanson, du cinéma. Ah, qui ? Allez, qui par exemple ? Dernièrement, on a eu Théo Fernandez. Coin-coin chez les Tuches, mais voilà, oui, bien sûr. Qui est dans notre salon, donc nous aussi on l'adore. Ah bon ? Et on a Nad, une pianiste. Une chanteuse qui a chanté aussi pour les Jeux Olympiques. Bien sûr. Qui est cliente chez nous et qu'on adore aussi. On essaie de faire des événements aussi avec elle. Ben oui. Et on a eu des athlètes des Jeux Olympiques qui sont passés. Ah, c'est très bien, formidable. Bon, eh bien, Samir, merci de nous avoir consacré cet entretien. Donc, je rappelle, vous allez rappeler l'adresse de vos salons. Le premier à Daumesnil est situé au 160 avenue Daumesnil. Très bien. Et le deuxième à Reuilly-Diderot et au 71 boulevard Diderot, Paris 12e. Les deux. Paris 12e. Donc voilà, rendez-vous, si ce n'est déjà fait, chez Mademoiselle Moustache, puisque j'ai eu le plaisir de recevoir dans C'est notre affaire Samir de chez Mademoiselle Moustache. Merci. Merci. C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels. Mademoiselle Moustache, Samir. Fréquence protestante. La devise de la France et de Paris, là, c'est notre devise à nous. Structuat nec mergitur. Les mystères de Paris, une émission en partenariat avec la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères de Paris, le premier de 2025. Nelly Mette est toujours au micro avec vous et aujourd'hui, je suis à nouveau en compagnie de Séverine Montigny. Bonjour Séverine. Bonjour Nelly. Vous êtes conservatrice au département des éphémères et des documents à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et aujourd'hui, donc, nous sommes ensemble pour parler de l'exposition « Les grands magasins parisiens fabriquent du petit consommateur ». Alors déjà, en votre compagnie, nous avions déjà parlé publicité, propagande dans les grands magasins. Mais aujourd'hui, on s'attelle à un autre créneau, celui du marketing, entre guillemets, destiné aux enfants. Et donc, vous avez réuni ici une certaine quantité de documents. Dites-moi plus sur les origines de cette exposition. Oui, alors cette exposition, elle a d'abord pour origine une actualité de la bibliothèque historique, à savoir l'achèvement du chantier de classement et d'inventaire des éphémères des grands magasins, qui a duré plusieurs années. Et donc, c'est un aboutissement d'un travail important, puisqu'on a décrit à peu près 15 000 documents. Et donc, très souvent, on choisit des thèmes qui correspondent à l'achèvement de chantier. Et puis, c'est aussi lié à une actualité plus générale à Paris, puisque, comme vous l'avez peut-être remarqué, depuis l'année dernière, il y a des grandes expositions sur les grands magasins. Il y en a eu une au Musée des Arts Décoratifs, et actuellement, il y en a une à la Cité de l'Architecture et du patrimoine, et dans les deux cas, nos collections ont été sollicitées pour des prêts. Donc on a voulu rebondir sur celle de la Cité de l'Architecture et du patrimoine. Et donc nous, on a choisi un thème un peu précis, une cible particulière, à savoir les enfants, parce que aborder tous les aspects des grands magasins dans notre espace d'accueil, ça aurait été bien trop ambitieux. Donc on s'est focalisé sur cette cible de la publicité et du marketing des grands magasins qui permet déjà de dire beaucoup de choses de leurs pratiques publicitaires. Alors forcément, on s'adresse aux enfants. Il faut qu'il y ait des produits destinés aux enfants. Et donc, dans cette première vitrine, on va parler textile dans un premier temps avec vous. Oui. Alors en fait, on démarre par la mode enfantine, tout simplement parce qu'une bonne partie des grands magasins ont pour origine les magasins de nouveautés, qui étaient des magasins de textile. Il y a une autre origine aux grands magasins, c'est le bazar, donc c'est-à-dire l'endroit où on achète tout ce qui est nécessaire pour la maison. Et puis les deux traditions, si on peut dire, vont fusionner dans des magasins qui ont plein de rayons. C'est l'une des caractéristiques du grand magasin, c'est qu'on peut y trouver plein de choses différentes. Alors pour revenir au textile, ici on a voulu illustrer donc la naissance de la mode enfantine qui est liée au changement de statut de l'enfant dans la société au cours du 19e siècle. Et donc il y a une mode propre aux enfants qui se met en place, notamment avec l'apparition du costume marin, qui est le costume emblématique des petits garçons à la Belle Époque. Et puis les grands magasins vont développer des pratiques commerciales qui s'inscrivent donc dans la gestion de gros stocks vendus à bas prix. Donc il faut renouveler les stocks régulièrement, et pour ça il y a des ventes annuelles récurrentes. Donc c'est le cas pour le blanc par exemple, qui est inventé par les grands magasins, qui est la vente promotionnelle du début d'année, hein, qu'on connaît en ce moment. Et puis pour les enfants, donc il y a des moments dans le calendrier des ventes, notamment la rentrée des classes, donc on a illustré ici avec plusieurs catalogue de la rentrée. Il y a des magasins qui développent leur calendrier propre, comme les grands magasins du Louvre, avec une quinzaine pour les petits juste après la rentrée, une grande quinzaine de la jeune fille juste avant l'été. On peut sans doute acheter des tenues pour les vacances. Et puis l'un des moments récurrents qu'on voit notamment avec des catalogues encore des grands magasins du Louvre et du Bon Marché, c'est le moment des communions. Le moment des communions, donc au printemps, qui mettent en valeur les tenues de communion, mais aussi des services, notamment le service des studios photos des grands magasins. Donc on voit dans les vitrines à la fois les tenues et puis des pancartes qui disent « Allez au deuxième ou au troisième étage vous prendre en photo pour avoir un souvenir de ce moment important dans la vie des jeunes gens. » Donc là, c'est des années d'entre-deux-guerres et d'après-guerre. Donc on voit ici dans les documents qui sont réunis sur la droite de cette vitrine une mise en scène un peu joyeuse, très trente glorieuse comme vous décriviez. Oui, en fait on a voulu avoir un éventail chronologique assez large qui rende compte de ce qu'on a dans nos collections. Donc en commençant avec les origines des grands magasins qui le mi-19e siècle et surtout le deuxième et troisième quart du 19e siècle en allant jusqu'aux 30 glorieuses. Et donc là on a deux couvertures très gaies avec une typographie psychédélique ou alors des robes à fleurs qui évoquent la joie des années 60 et 70 avec des enfants très souriants et qui donnent envie évidemment aux petits consommateurs de leur ressembler. Dans la prochaine vitrine, donc évidemment, comment ne pas en parler, les jouets et leur mise en scène dans les vitrines et dans les catalogues. Oui, alors après les articles textiles, c'est vrai que les jouets, c'est évidemment l'article pour enfants par excellence. Les jouets arrivent dans les grands magasins dans les années 1870-1880. On sait que le rayon de jouets des grands magasins du Louvre est ouvert en 1883. Avant, on vendait des jouets, mais de manière ponctuelle, sous la forme, comme vous voyez ici avec les nouvelles galeries et la ménagère, sous la forme d'expositions ponctuelles. Exposition, ça veut dire étalage. Donc, il y avait des expositions de jouets au moment des fêtes. Et puis après, il n'y avait plus de rayons le reste de l'année. Mais à partir des années 1880, il y a des rayons dédiés à cette forme d'article. Et puis, les grands magasins éditent des catalogues. Alors, le catalogue, là, c'est l'occasion d'expliquer ce à quoi il sert. Il sert évidemment aux petits clients parisiens à savoir ce qu'il y aura dans les rayons avant de venir dans le grand magasin, mais il sert surtout aux clients en province et à l'étranger à pouvoir faire sa commande par correspondance, parce que c'est une activité très très importante des grands magasins, cette vente par correspondance. Et donc l'ensemble de ces catalogues est diffusé partout et répand les pratiques de consommation de la capitale partout en France. Donc là, on a voulu mettre un panorama des catalogues de jouets, pareil, comme la première vitrine, depuis le 19e siècle jusqu'aux 30 glorieuses. Donc un design encore très austère, avec peu d'illustrations, jusqu'au recours aux héros de la télé. Donc là, on a une couverture de catalogue de jouets qui reprend les personnages du manège enchanté dans les années 70. Dans la vitrine juste à côté, on arrive devant les ballons de Monsieur Chauchard. Alors moi, j'avoue que je n'arrivais pas trop à situer, mais en réalité, ça a traversé le temps. Et donc, qu'est-ce que c'est les ballons de Monsieur Chauchard ? Alors oui, dans la suite de l'exposition, on a voulu montrer qu'après des articles dédiés aux enfants, les fondateurs des grands magasins étaient crédités, si on peut dire, d'inventions destinées à fidéliser les enfants et les fidéliser, leur donner une raison, un intérêt pour la visite aux grands magasins. Et donc, comment on s'y prend pour ça ? Et ben, on fait des cadeaux. Et Monsieur Chauchard, donc Alfred Chauchard, qui est le fondateur des grands magasins du Louvre, a eu l'idée de distribuer aux enfants des ballons de baudruche, donc avec écrit dessus Magasin du Louvre. Donc là, on a des catalogues ou des documents publicitaires qui proviennent de ce magasin, qui perpétuent l'image de ce ballon de baudruche distribué aux enfants, pratique qui peut encore exister parfois et qui existe notamment dans les magasins de jouets. Et donc, dans la vitrine juste à côté, j'avoue, c'est l'une de mes préférées. On voit d'autres éléments à collectionner pour les petits consommateurs. Et là, donc, on est au bon marché. C'est Aristide Boussicot qui a cette idée. Oui, en fait, alors c'est peut-être un peu légendaire, c'est-à-dire que les fondateurs des grands magasins, on leur attribue un génie commercial particulier. Et donc Boussicot, ce qu'on lui attribue, c'est d'avoir pensé à donner une nouvelle image. Donc c'est des images imprimées en chromolithographie. C'est une technique du 19e siècle qui a permis d'imprimer des choses en couleur et en grand nombre. Donc ça peut être ces images, mais aussi des emballages, par exemple. Et donc, Aristide Boussicot aurait eu l'idée de distribuer une nouvelle image tous les jeudis. Donc le jeudi, c'est le jour où il n'y a pas école pour les enfants à l'époque. Et donc, ils vont supplier leur mère de retourner au grand magasin pour pouvoir continuer la série qui est commencée. Parce que non seulement il y a la distribution d'une nouvelle image, mais il y a aussi le fait que cette image fait suite à la précédente. Et donc, on a envie d'accumuler, de collectionner. Et donc, c'est aussi une sorte d'accoutumance à la consommation, hein, à travers ces images. Et ce qu'on a voulu montrer dans cette vitrine, c'est la séduction de ces images, à quel point elles sont belles, à quel point elles sont parfois ouvragées. On a des choses en 3D, des petits éventails, des jeux de tirettes, des transparences avec du calque et des découpes hyper élaborées. On traite l'enfant vraiment comme un client de choix. On lui met entre les mains de très beaux documents. Et donc, parmi tous les éléments qui vont être offerts aux enfants, on va, j'ai l'impression, essayer d'aller stimuler leur inventivité, créativité, leur talent artistique. Oui, alors c'est le cas de ces documents qu'on voit tout près de l'entrée de la salle de lecture, qui sont des petites maquettes, en fait, des découpages à monter et à coller. Donc, pour reconstituer des petites scènes, là, on a des scènes du jardin d'acclimatation. Donc, on peut reconstituer la cage des tigres du Bengale. On a d'autres découpages montage qui permettent de reconstruire des pavillons ou des attractions, des expositions universelles. Et puis, des choses qui ont plus de lien avec la pratique de consommation, construire sa tirelire au bon marché dans les années 30 ou reconstituer un rayon de marchandises à 5 centimes. Et il me semble que ce sont des bonbons. Donc, une fois que l'enfant a fini de construire son petit rayon de bonbons, eh ben, il a très envie, je pense, d'aller dépenser son argent de poche au printemps. Et une série assez remarquable de catalogues des grands magasins du Louvre pendant les années 20, où c'est la couverture du catalogue de jouets qui ensuite peut être utilisé soit comme plateau de jeu, soit comme ici, comme petit jouet de montage. Donc là, avec la couverture, on peut faire un petit théâtre de marionnettes. Donc juste à côté de l'entrée, on a une vitrine qui fait écho à celle-ci. Oui. Et on peut y découvrir des documents qui viennent ici un peu stimuler les petits consommateurs pour les inviter au coloriage, par exemple. Oui, le coloriage et le dessin, c'est quelque chose qui est très présent. Donc, on peut avoir des chromos bipartites avec le modèle et puis une partie en blanc et noir à colorier selon l'exemple. On a des cahiers de dessin même très académiques où on veut apprendre aux enfants à dessiner comme dans un cours de dessin. Et puis souvent les planches de coloriage qui sont distribuées sont associées ou sont jamais très loin de la publicité pour les articles artistiques. Donc là, on a un exemple de catalogue des Galeries Lafayette qui est illustré par Béatrice Mallet. Et dans la couverture, il y a la reproduction de cette couverture non coloriée où on invite les enfants à exercer leur talent. Et juste en dessous, il y a la publicité pour la palette qu'on peut acheter dans la galerie Lafayette. Voilà, il y a d'autres exemples de ce phénomène avec notamment un petit album à colorier des grands magasins du Louvre qui est créé par Abel Truchet, pardon, c'est un illustrateur qui a été très présent pour ce magasin dans les années au tout début du XXe siècle. Et puis vous avez aussi du Bon Marché ou des grands magasins du Louvre, des petits carnets avec des calques qui permettent de reproduire un dessin. Alors, on y reviendra un peu plus loin dans l'exposition sur l'aspect un peu pédagogique des produits qui sont donnés aux enfants. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de cette vitrine dans laquelle on peut voir des jeux de loi qui s'adressent aux enfants pour se repérer dans la ville, dans les magasins. On est vraiment sur des produits finis, on est sur des jeux, carrément. Oui, des jeux. Alors là, on est certain que ce sont des cadeaux. Certains jeux ont pu aussi être des articles en vente, mais là, ce sont des cadeaux. Donc, vous avez notamment des cadeaux des jeux qui consistent à repérer, à connaître bien le bâtiment. Donc, le jeu de l'anneau de la rive gauche du Bon Marché, mais sur le même plan, le bâtiment du magasin, c'est un jeu d'adresse. Le bâtiment du magasin sur le même plan que des monuments de Paris. Donc ça donne un prestige au grand magasin indéniable. Bon, on voit que alors ce jeu du Bon Marché date du début du siècle, mais en fin de compte, il rejoint la stratégie actuelle du grand magasin qui est inscrit dans le circuit touristique, veut attirer le public touristique. Et le jeu de loi des grands magasins du printemps, il est intéressant parce que au fil des cases, le joueur, ben en fait, visite les différents rayons du magasin, s'imprègne de son organisation, des types d'articles qu'on peut y acheter et des services qu'on peut y trouver, donc la livraison. Et puis il passe aussi par la caisse, évidemment. Et donc, au-delà de se repérer, pardon, je vous coupe, dans le magasin, on apprend aussi à l'enfant à se repérer dans l'histoire du magasin. Oui, alors là c'est le cas de ces deux jeux, donc il y a un jeu de loi et un jeu de cubes qui est dû à un illustrateur qui s'appelle Jean Chaperon et qui a réalisé ces deux jeux pour la Samaritaine, et ce sont en fait des moyens de raconter l'histoire des époux Cognacgé, les fondateurs du grand magasin, et de célébrer en fait leur bienfait. C'est vraiment à leur gloire, hein, c'est la légende dorée des grands magasins. Le jeu de cube est en 6 étapes et ça se termine par une étape qui s'appelle le triomphe et qui met notamment en valeur les œuvres charitables créées par les époux Cognacgé. Donc ils ont eu une activité de bienfaisance, notamment en direction des enfants. Et donc, vous voyez, je vais vous lire juste une phrase pour vous montrer à quel point c'est élogieux. Monsieur et Madame Cognacgé ont surtout pensé aux enfants. C'est pourquoi vous devez vous souvenir d'eux et les aimer. On demande aux enfants, aux clients, voilà, d'adhérer complètement à la légende du grand magasin, à rentrer dans leur histoire. C'est du storytelling, même si le mot est un peu anachronique. Oui, on est sur une épopée. Exactement. Une épopée glorieuse des familles qui ont fondé les grands magasins. Et au-delà de l'aspect ludique qu'il y a des jeux et des éléments qui sont distribués aux enfants, j'ai l'impression qu'on a quand même essayé d'avoir des éléments un peu plus pédagogiques. Oui, en fait, on pourrait dire que les grands magasins, alors ils ont sans doute été, notamment avec certaines chromos, en but à certaines critiques de la part de pédagogues qui trouvaient que c'était des choses un peu niaises ou un peu trop, pas assez éducatives. Et donc, les grands magasins peuvent se targuer aussi d'avoir donc développé des talents. On a parlé du dessin, du coloriage, du montage, des maquettes. Et il y a des choses vraiment beaucoup plus sérieuses avec des livres et puis des cadeaux comme des diplômes. Alors là, il y a un diplôme d'éclaireur de France qui est offert par les Galeries Lafayette. Et il y a parfois de la papeterie scolaire, donc des buvards. Et là, on a un exemple de protège-cahier de la prévention routière qui a été distribué aux enfants, sans doute après la Deuxième Guerre mondiale, au Bon Marché. Donc vous voyez, les grands magasins se donnent aussi une image de pédagogue, de sérieux dans ces cadeaux qui aussi dédouanent peut-être un peu les parents de venir au grand magasin pour consommer, mais il y aura à la clé aussi un cadeau sérieux. Donc au-delà de ce qui est distribué aux enfants, il faut que l'expérience de visite du magasin forcément soit mémorable, qu'on en prenne plein les yeux. Et donc il y a un travail d'orfèvre, hein, forcément, qui est mis en place pour pour forcément que l'expérience soit belle, les ascenseurs, les ornements, tout est travaillé en fait pour laisser un beau souvenir. Oui, le magasin, c'est un bâtiment, c'est quelque chose que l'on voit notamment dans l'exposition de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc, c'est un lieu qui doit émerveiller. On a un exemple de couverture de catalogue de jouets du printemps en 1925. Qui montre des enfants sur un escalator, 2 minutes pour aller en s'amusant au paradis des jouets. Donc le simple fait d'utiliser l'escalator, c'est le tour de manège en fait, qui est un prélude à l'accès aux jouets. Dès l'origine, en fait, il y a des spectacles qui sont donnés gratuitement pour les enfants. On a des exemples de théâtre de guignol, il y a aussi des séances de cinéma ou des concerts, des animations un peu plus particulières. Là, vous avez un concours de lancer de ballons sur le toit des Galeries Lafayette. Et puis, très vite, un moment important dans l'année des grands magasins, c'est le moment des fêtes avec des spectacles ou des attractions liées aux fêtes de fin d'année. Donc là, vous avez sur la terrasse des Galeries Lafayette dans les années 20, un grand diorama animé avec accompagnement musical sur disque pâté qui s'appelle Noël en France. Et puis très certainement, à côté, il y a le Père Noël et on peut se faire prendre en photo avec lui. Donc on arrive à la fin de cette exposition, mais avant de conclure, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, la mise en scène qui peut être réalisée dans les vitrines, notamment pendant la période des fêtes. Et alors tout ça, c'est très travaillé, on fait appel à des illustrateurs pour cette mise en scène, mais aussi pour les catalogues, et donc vous avez réuni des documents ici, où vous parlez justement de ces illustrateurs qui ont contribué à la création de ces vitrines et des catalogues. Oui, en fait, la dernière partie de l'exposition, on a des grandes vitrines qui nous permettent de montrer des affiches. Donc, ça nous permettait de parler des illustrateurs avec notamment cette grande affiche de Georges Léonec qui est très belle. Donc, il faut venir la voir. Une série de catalogues de jouets qui permettent d'évoquer des grands noms de l'illustration. Donc, par exemple, André de Vambèze ou Poulbeau, ça permet aussi de parler des périodes de guerre, d'autres personnalités, notamment des illustratrices. Il y a des femmes qui travaillent dans ce secteur, Maggie Salcedo. Et puis, il y a l'introduction de la photo dans les années 30 en couverture des catalogues. Les illustrateurs, comme vous disiez, sont aussi parfois ceux qui sont mis à contribution pour réaliser les vitrines de Noël. Donc on a des exemples de photos de vitrines de Noël, notamment au printemps, dans les années 20 et 30. Et il y a un illustrateur pour la jeunesse qui revient à plusieurs reprises, qui s'appelle Louis Pelletier. Donc on a mis en vis-à-vis une couverture de catalogue et une photo de vitrine animée. Alors il faut l'imaginer, c'est un héros récurrent de Louis Pelletier qui s'appelle Nestor Fonleroc, c'est un aventurier. Et donc il faut imaginer, là il est sur un radeau avec une girafe, que le radeau devait voguer sur des flots qui bougeaient. Voilà. Évidemment avec la photo on n'a plus l'animation de la vitrine. Et puis, les vitrines de Noël, c'est aussi parfois... Les vitrines, les étalages de Noël, c'est souvent, parfois, le prétexte à des concours au moment des fêtes. Donc, les enfants doivent observer les vitrines, noter des détails. Ils s'imprègnent vraiment, du coup, de l'offre du grand magasin et ils peuvent gagner des bons d'achat. Puis, on a voulu mettre en valeur un concours qui est lancé par les grands magasins du printemps dans les années 20, à 3 reprises, un concours de dessin vers le mois de novembre. Et le gagnant remporte un moment de gloire, c'est-à-dire que son dessin est édité en couverture du catalogue de jouets de l'année. Donc, c'est le cas de Marguerite Bretaudeau en 1920, qui, donc à 9 ans et demi, fait un beau dessin et remporte ce premier prix à un moment vraiment de gloire et entre dans l'histoire du grand magasin, si on peut dire. Et donc, on arrive sur la fin de cette exposition. Juste en face de moi, une grande affiche. cette grande affiche, on reconnaît la patte d'un illustrateur. Oui, on avait cette grande affiche avant la lettre, donc on voit pas le nom du grand magasin qui est concerné, mais c'est le bazar de l'Hôtel de Ville, donc le plus proche de chez nous en fait. Et donc elle est due à Firmin Bouisset. C'est un nom qu'on connaît peut-être pas, mais en tout cas beaucoup connaissent ces enfants qui vantent les mérites du chocolat Meunier ou des biscuits Lu. Et là, on voit des enfants qui sont sans doute émerveillés parce qu'on ne voit pas leur visage, on les voit de dos admirer l'étalage d'un rayon de jouets avec un vendeur qui est sans doute en train de leur faire l'article. Et ça, c'est typique de l'innovation apportée par d'une des innovations commerciales apportées par les grands magasins. C'est que contrairement au commerce d'ancien régime et du début du 19e siècle, on voit les articles, on les voit, on peut rêver devant, on peut les toucher et on peut faire tout ça même sans les acheter. Donc c'est une révolution. Et il y a une petite fille en fait qui est tournée vers nous et qui semble nous dire venez voir comme c'est beau, venez admirer les jouets du BHV. Et donc cette petite fille vient clôturer un peu cette exposition avec la représentation donc des petits consommateurs dans cette dernière vitrine. Oui, alors moi j'étais frappée de ça en travaillant sur ce sujet, de constater que depuis le tout début, donc depuis le 19e siècle, notamment dans les chromolithographies, on avait la représentation d'enfants en train de consommer. Donc soit que les adultes, on leur donne un visage poupon, soit que au contraire ce soit des enfants déguisés en adultes qui jouent aux marchands et aux clients. Donc il y a plusieurs chromos anciennes qui sont montrées avec des petits marchands, des petites clientes qui touchent les étoffes, voilà. Aussi, alors là, on a fait comme dans les premières vitrines, c'est-à-dire que c'est un panorama chronologique qui nous emmène jusque à l'après-guerre et aux Trente Glorieuses. Et donc, on a voulu montrer comment, par des phrases ou des slogans, les grands magasins, sur les couvertures de catalogues, s'adressaient aux enfants et voulaient en faire leur porte-parole auprès de leurs parents, presque leur représentant. Vous avez sur un catalogue de jouets des magasins du Louvre des années 20 ou des années 30, cette phrase « Demandez à vos parents de vous conduire au Louvre ». Et puis un catalogue du bon marché des années 70 où on voit une bulle qui sort de la bouche d'un enfant disant « Maman, vite au bon marché, des prix d'attaque ». Donc c'est les enfants qui sont des relais de la publicité du bon marché, sont des prescripteurs. Exactement. Auprès des parents. Séverine Montigny, merci beaucoup pour cette visite. Je rappelle que l'exposition est à la Bibliothèque historique de la ville de Paris jusqu'au 22 mars. Elle est gratuite et donc maintenant je laisse la parole à Fabien Plazanet que l'on retrouve à la Bibliothèque des Amis de l'Instruction. Merci Séverine. Merci à vous. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Michel Blanc, vice-président de l'association de la Bibliothèque des Amis de l'Instruction. Nous sommes à Paris, dans le 3e arrondissement, rue de Turenne. Bonjour Michel Blanc. Bonjour Fabien. Merci de nous recevoir à la Bibliothèque des Amis de l'Instruction. Alors, pouvez-vous d'abord nous expliquer quelles sont les missions de la bibliothèque et en quoi consiste cet établissement un peu hors du commun ? Alors, cet établissement a une caractéristique, disons, d'être original, en ce sens qu'il est la plus ancienne bibliothèque populaire libre ou indépendante, créée en 1861, et donc la première et la dernière qui existe encore. Hein, il n'y a plus de bibliothèque populaire libre et indépendante vraiment constituée à Paris ou même en France. Donc notre but principal est déjà de garder ce lieu de mémoire. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle s'est fait reconnaître dans les années 80 avec des historiens comme Pierre Nora. Donc de conserver la trace de la lecture populaire à travers les ouvrages que nous avons, de permettre à des chercheurs aussi de venir et de consulter à la fois notre fonds, notre catalogue, nos archives, on a quelques archives quand même, et puis pour ne pas être simplement un lieu de mémoire ou un musée, on pourrait dire, qui préserve l'authenticité, on cherche à rester ouvert en quelque sorte, sur la ville, sur le quartier, comme la bibliothèque l'a toujours été. Je précise que très précisément ici, nous sommes depuis 1918. Donc on a voyagé de 1861 à 1918, mais depuis 1918, nous n'avons plus bougé. Et les locaux offrent beaucoup d'authenticité. Je pense que vous pouvez vous-même le constater. À travers les rayonnages, à travers le mobilier, le système d'éclairage, sauf que les ampoules qui sont modernes, évidemment. Et nous restons ouverts au public sous forme de permanence les samedis après-midi, de 15h à 18h pendant la période scolaire. Certains samedis sont réservés à ce qu'on appelle des ateliers de réparation et reliure, ouverts aux sociétaires, qui permettent d'entretenir le fond, et on a aussi une relieuse qui est remarquable, Aurélie Chintreau, qui s'occupe donc cette dimension, on va dire. Nous participons à des colloques, nous avons du partenariat, par exemple, avec la Maison Auguste Comte et des colloques qui se font à la Chapelle de l'Humanité, qui est rue Payenne, donc à quelques dizaines, centaines de mètres d'ici, vraiment pas loin. Nous participons bien sûr à tous les événements de type Journée du patrimoine dans le quartier. Nous accueillons aussi de temps en temps des groupes scolaires lorsqu'ils en font la demande, ou des associations qui viennent visiter donc en groupe. Nous gérons bien sûr un site, et ça c'est très important, un site qui permet donc de donner des informations sur les activités de la bibliothèque, son agenda, où l'on peut écouter en podcast plus de 250 conférences qui ont été données depuis 1984. Et on peut consulter bien sûr le catalogue, en particulier le dernier catalogue de la bibliothèque qui a été informatisé, pris beaucoup de temps, où on a à peu près un peu plus de 15 000 ouvrages. Est-ce qu'on peut revenir sur l'origine de la bibliothèque? Quand est-ce qu'elle a été créée? Dans quelles circonstances? Et quel était son objectif? Oui. Alors, elle a été créée en 1861 par des ouvriers, des artisans, des employés du Marais, mais aussi un petit peu partout, finalement, dans Paris, qui avait quand même une caractéristique commune, globalement, pour les plus grands nombres d'entre eux, c'était de suivre des cours du soir. Il y avait deux grandes associations qui donnaient des cours du soir, l'association, alors je prends pas l'ancienneté, Polytechnique, créée en 1830 par des polytechniciens, suite aux journées des barricades 1830, et puis l'association Philotechnique, créée en 1848. Il faut ajouter quand même une autre institution pour les cours du soir qui était quand même très importante, c'est l'institution les arts et métiers, les cours du soir des arts et métiers. Donc tout ça c'était dans le quartier, et ces ouvriers donc se connaissaient, se fréquentaient. Il y avait comme parmi eux beaucoup de militants, des anciens, on va dire 48ards, c'est comme ça qu'on a pu repérer l'importance. Là on en a son portrait, Jean-Baptiste Girard, évidemment, il s'agit, c'est jamais qu'un sociétaire parmi d'autres, mais c'est tout de même le premier inscrit sur le registre des inscrits, et on connaît bien son histoire, c'est-à-dire que on sait qu'il est né en 1820 dans un petit village de Haute-Marne à Orthès, qu'il est monté à Paris vers 1840 à l'âge de 20 ans, qu'il a exercé la profession de cocher, qu'il a suivi des cours des arts et métiers, qu'il est devenu ouvrier imprimeur lithographe. Militant, il a rencontré Jeanne Desroin, dans laquelle il s'est lancé dans l'aventure de ce qu'on appelle la fraternelle des associations donc d'ouvriers, de travailleurs. Jeanne Desroin, au départ, c'était même les instituteurs. Lui, c'était des ouvriers lithographes. Toutes ces associations qui s'étaient réunies rue Michel Lecomte en mai 1850 ont était en quelque sorte interdite, et Girard a fait 22 mois de prison. Alors il est rentré un petit peu dans la légende, on dit que dans la prison de Sainte-Pélagie, pour la dimension politique, il y avait une bibliothèque, et que là il s'est convaincu que finalement, là j'ai une petite lettre qu'on lira à la fin si on a le temps, que c'était le livre qui permettait l'émancipation, en quelque sorte. Donc, l'émancipation du travailleur, son progrès intellectuel et moral, là, il rejoint en quelque sorte, ce qu'on peut appeler les philanthropes, les professeurs qui donnaient des cours du soir gratuits et qui avaient cette vision aussi de moraliser le peuple. Mais du côté Girard et de ses camarades, il y a l'idée de garder l'indépendance. C'est l'originalité. On a trois, disons, grands pôles d'originalité. Celui d'être indépendant, donc de ne pas dépendre d'une administration qui va fabriquer le catalogue, mais le catalogue a été fait à la demande des lecteurs. Celui d'offrir le prêt. Le prêt dans les bibliothèques municipales de Paris n'a pas existé avant 1880, alors que nous, 20 ans plus tôt, on avait déjà le prêt, 3 semaines à domicile. Et puis, on était ouverte aux femmes, et même aux enfants, à partir de l'âge de 15 ans. Mais l'important, c'était d'être ouvert aux femmes à demi-tarif pour les encourager à venir. Peut-être la quatrième originalité, s'il faut en ajouter une, c'est qu'on avait bien sûr des horaires adaptés. On avait des horaires du soir, 19h-22h, ou du dimanche matin, 11h-13h. Donc ça permettait vraiment à des sociétaires de venir et d'investir et de participer à la vie de la bibliothèque. C'est ce qu'on essaye de maintenir aujourd'hui. Voyez. À l'époque, il y a d'autres bibliothèques qui sont créées sur ce même type. Et est-ce qu'il en existe encore aujourd'hui ? Alors, si je regarde un petit peu auparavant, il a existé des bibliothèques, on va dire, qu'on peut appeler populaires, mais elles étaient de nature confessionnelle. Soit protestantes, en 1830, il y en a déjà une à Lyon, soit catholiques, etc. Ou initiatives patronales. Certaines grandes entreprises, chefs d'entreprise, avaient voulu des bibliothèques pour leurs ouvriers. Mais bibliothèque, comme ça, on va dire, de quartier, d'arrondissement, de ville, puisque c'est le mouvement de bibliothèque populaire, s'est développé en gros très fortement de 1860 à 1880, et même au-delà, dans toutes les communes de France. Il y a eu des plus petites aux plus grandes créations de bibliothèques, à une époque où il n'existait pas encore de bibliothèque municipale, la plupart du temps. À part les grandes bibliothèques patrimoniales, mais qui n'étaient pas vraiment ouvertes aux ouvriers, enfin, au public populaire, on va dire. Donc, progressivement, ces bibliothèques ont été remplacées par des bibliothèques municipales, mais certaines ont continué à fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux, nous les décrire ? Oui, alors, nous sommes ici dans l'annexe d'une école, hein, qui est elle-même dans un grand bâtiment du XVIIe siècle, hein, hôtel de Gourgues ou de Montrésor. Alors, c'est une grande école de garçons qui a été créée en 1880, au moment où à Paris, justement, on cherche partout des immeubles pour pouvoir, où on construit, où on récupère des immeubles historiques pour pouvoir installer des écoles. En 1884, on vient ici, justement, dans l'hôtel de Montrésor, mais en fait, on vient dans les combles de l'hôtel, et on va rester jusqu'en 1918. En 1918, on récupère cette annexe de l'hôtel, qui est finalement assez intéressant aussi parce que ça nous donne toujours à voir et à penser comment était organisée même la vie artisanale, puisqu'ici, c'était au rez-de-chaussée, la boutique d'un menuisier. Et à l'étage, on va voir si on a un petit peu le temps, on a tout simplement l'appartement du menuisier. Alors il vivait seul, et quand il est décédé en 1916, ça a libéré les lieux, négociation avec l'administration sur l'autorité d'une présidente remarquable qui s'appelle Pauline Beller, qui est restée plus de 25 ans présidente, qui est morte à Auschwitz, qui n'est jamais revenue de sa déportation. Ce qui nous fait rappeler aussi que dans le quartier, nous avions aussi un lectorat, on va dire, israélite. Ça fait partie des vieilles traditions du Marais, en quelque sorte. Voilà. Et c'est, l'authenticité du lieu joue beaucoup, pour son charme, en quelque sorte. On ne peut inviter que les auditeurs à venir un jour pousser la porte de ce lieu où c'est marqué « prêt de livres », mais à l'extérieur, dans une jolie petite, enseigne. Naturellement, nous ne prêtons plus des livres depuis l'an 2000, mais en tout cas, on peut consulter les livres et puis on peut, participer à la vie de la bibliothèque si on le désire. Michel Blanc, là, nous sommes maintenant à l'étage de la bibliothèque, donc une sorte d'entresol. Nous sommes entourés de livres, de rayonnages, avec un plafond qui est assez bas. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette partie de la bibliothèque ? Oui, vous avez raison, le plafond bas, c'est quelque chose qui est quand même frappant, c'est ça l'entresol parisien, qui servait donc d'appartement à notre ami menuisier, que je parlais tout à l'heure. Et naturellement, il y a des rayons partout, plein de vieux livres, un petit peu de toutes les couleurs, tous reliés, parce qu'il fallait relier des livres pour pouvoir permettre le prêt, avec des placards apparemment plus ou moins d'époque. Ça, c'est un petit peu difficile à vérifier. En tout cas, les tomettes sont d'époque, la cheminée est d'époque. Vous voyez, on a même un petit lavabo là-bas, dans l'autre pièce, d'époque. Nos abat-jours, nos systèmes d'éclairage, à part les lampes, bien sûr, modernes, il le faut. Et on passe donc de... Il y a plusieurs petites pièces, en quelque sorte. Il y a un système de cloisonnement. Là, probablement, ça devait être la chambre du menuisier, quand on regarde bien, parce qu'on a une porte, vous voyez, séparée, oui. Mais pas de fenêtre. Hein. C'est une chambre sans fenêtre. C'était bien exigu, mais c'est la vie parisienne à cette époque. Et... Voilà, on a des ouvrages un petit peu partout. Ici, on a par exemple un fonds musical, parce que nos associations soutenaient les Orphéons, des associations ouvrières qui permettaient donc l'apprentissage de la musique, les chants, etc., donc les partitions. Ici, on a une réserve qui est en quelque sorte l'endroit où l'on met les archives, vous voyez, un certain nombre d'archives, mais voilà, sous clé. On a... une plaque de Édouard Renard, préfet de la Seine, bienfaiteur des bibliothèques populaires, des amis de l'instruction de Paris. Alors, si nos auditeurs veulent nous donner des indications sur Édouard Renard, je suis preneur. Alors là, on est dans l'entre-deux-guerres. On voit 1929-1934. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouvait comme livres dans ces bibliothèques populaires? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des collections? Alors, on trouve deux sortes d'ouvrages. Des ouvrages d'instruction, bien sûr, didactiques, qui permettent de... d'abord souchés, comme on dit, sur les cours du soir, sur la possibilité de se perfectionner dans les métiers, mais aussi de culture générale, c'est-à-dire d'histoire, de géographie, et puis à partir de 1868, d'économie politique. Les premières années ont été un petit peu difficiles. Il fallait quand même imposer au système napoléonien la véritable indépendance. Alors là, 1868, acquisition de Proudhon, acquisition de Louis Blanc, acquisition de Garnier Pagès, acquisition de femmes féministes comme Maria Dorem, André Léo, Eugénie Niboyet. On voit que les choses changent. Mais il faut attendre 1868. Il y a combien d'ouvrages à peu près dans la bibliothèque? Alors, il y en a un peu plus de 15 000 qui ont été bien repérés, recensés, qui sont tous sur le catalogue, en quelque sorte consultables, avec des systèmes de cotes un petit peu compliqués, mais des casiers qui sont facilement identifiables. Et parmi donc, ces ouvrages, le deuxième type, ce sont les ouvrages de délassement, c'est-à-dire tout ce qui est roman, tout ce qui est fiction, un petit peu de poésie aussi, et puis des pièces de théâtre. C'était très important à l'époque de revendiquer la capacité d'acquérir dans un esprit latitudinaire des ouvrages de délassement, c'est-à-dire des auteurs qui peuvent être les plus prestigieux, alors y compris par exemple dans l'Antiquité, hein, une première inquisition, c'est Homère, Virgile, etc. Mais aussi les grands auteurs, bien sûr, Victor Hugo, George Sand, etc. Mais des auteurs qui ont de second plan, on va dire, mais qui aujourd'hui sont intéressants pour comprendre l'histoire de la lecture populaire. Est-ce qu'il y a un ouvrage en particulier que vous trouvez remarquable et dont vous pouvez nous parler? Alors, on bouge un petit peu si vous voulez. Voilà, oui, c'est un petit peu étroit. voilà, on arrive à passer. Et par exemple, ici, on montre de temps en temps, parce qu'il est quand même lourd et difficile à manier, on doit faire très attention à la manipulation des ouvrages. D'ailleurs, normalement, c'est aux personnes qui sont dans les permanences, il y a toujours deux par permanence, l'un qui reste en bas, l'autre en haut, qui... propose en quelque sorte, sur demande bien sûr, aux lecteurs, aux personnes qui viennent consulter, donc les ouvrages. Alors ce sont les promenades de Paris, d'Alphand, vous voyez, ce sont des grandes planches de 1882 et qui ont des très très belles reproductions, soit en noir et blanc, soit en couleur. Alors une fois, ça m'a amusé parce que j'ai reçu des gens de province, de la France profonde comme on dit, et qui ont regardé les planches florales, qui étaient extrêmement intéressés. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a un fonds agricole assez remarquable. On a des indications comment tenir une ferme, Mais ce n'est pas étonnant, parce qu'à deux pas d'ici, il y avait encore des vaches laitières dans la zone fortifiée, en quelque sorte, là derrière la place des Vosges, on va dire. Oui. Merci beaucoup, Michel Blanc. Alors, je crois que si on veut en savoir davantage sur la bibliothèque, et notamment savoir comment venir, on a toutes les informations sur le site. Voilà, ça c'est très important. Le site, on le met à jour. Donc, vous pouvez savoir si c'est ouvert, si exceptionnellement c'est fermé, et en gros, qu'est-ce qui s'y passe. Soit une permanence découverte du lieu, consultation d'ouvrages, ou bien participation à une activité de la bibliothèque. Possibilité de venir s'inscrire, alors toujours sur le site, à des conférences qui sont gratuites, limitées en place, mais on essaye de faire en sorte de donner satisfaction à tout le monde. Et en tout cas, on peut réécouter ces conférences. Généralement, les conférenciers nous donnent l'autorisation d'enregistrement, et donc tranquillement, on peut les réécouter. Il y en a plus de 250 à l'heure actuelle. Vous pouvez nous donner l'adresse du site ? Alors, c'est bai.asso.fr. Hein, BAI, c'est Bibliothèque des Amis d'Instruction. Donc voilà, ça suffit quasiment de mettre Bibliothèque des Amis d'Instruction. Voilà. Merci beaucoup. Les Mystères de Paris, une émission en partenariat avec la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Fréquence protestante ? Fréquence protestante ? Un abécédaire littéraire. Aujourd'hui, E comme Annie Ernaux. Il y a des êtres qui sont submergés par la réalité des autres. Leur façon de parler, de croiser les jambes, d'allumer une cigarette. Englués dans la présence des autres. Un jour, plutôt une nuit, ils sont emportés dans le désir et la volonté d'un seul autre. Ce qu'ils pensent être s'évanouit. Ils se dissolvent et regardent le reflet agir, obéir, emportés dans le cours inconnu des choses. Ils sont toujours en retard sur la volonté de l'autre. Elle a toujours un temps d'avance. Ils ne la rattrapent jamais. Ni soumission, ni consentement, seulement l'effarement du réel qui fait tout juste se dire « Qu'est-ce qui m'arrive ? Ou c'est à moi que ça arrive ?» Sauf qu'il n'y a plus de moi en cette circonstance, ou ce n'est plus le même déjà. Il n'y a plus que l'autre, maître de la situation, des gestes, du moment qui suit, qu'il est le seul à connaître. Puis l'autre s'en va. Vous avez cessé de lui plaire, il ne vous trouve plus d'intérêt. Il vous abandonne avec le réel, par exemple une culotte souillée. Il ne s'occupe plus que de son temps à lui. Vous êtes seul, avec votre habitude déjà d'obéir. Seul dans un temps sans maître. D'autres ont beau jeu alors de vous circonvenir, de se précipiter dans votre vide. Vous ne leur refusez rien, vous les sentez à peine. Vous attendez le maître. Qu'il vous fasse la grâce de vous toucher au moins une fois. Il le fait, une nuit, avec les pleins pouvoirs sur vous que tout votre être a supplié. Le lendemain, il n'est plus là. Peu importe. L'espérance de le retrouver est devenue votre raison de vivre, de vous habiller, de vous cultiver, de réussir vos examens. Il reviendra et vous serez digne de lui, plus même. Vous l'éblouirez de votre différence en beauté, savoir, assurance, avec l'être indistinct que vous étiez auparavant. Tout ce que vous faites est pour le maître que vous vous êtes donné en secret. Mais, sans vous en rendre compte, en travaillant à votre propre valeur, vous vous éloignez inexorablement de lui. Vous mesurez votre folie. Vous ne voulez plus le revoir, jamais. Vous vous jurez d'oublier tout et de ne jamais en parler à personne. Il n'y a aucune photo d'elle l'été 1958. Pas même une de son anniversaire, ses 18 ans qu'elle a fêté là, à la colonie. La plus jeune de tous les moniteurs et monitrices. Son anniversaire qui tombait pour elle un jour de congé, si bien qu'elle avait eu le temps d'acheter en ville l'après-midi des bouteilles de mousseux, des boudoirs et des chamonix oranges, mais il n'avait été qu'une poignée être passée dans sa chambre boire un verre et grignoter. s'éclipsant vite. Peut-être déjà devenue infréquentable? Ou seulement inintéressante parce qu'elle n'avait apporté à la colonie ni disque, ni électrophone? De tous ceux qui l'ont côtoyé cet été 1958 à la colonie de Hesse, dans l'Orne, est-ce qu'il y en a qui se souviennent d'elle, cette fille? Sans doute personne. Ils l'ont oubliée. Comme ils se sont oubliés les uns les autres. Tous dispersés à la fin septembre, retournés dans leur lycée, leur école normale d'instituteurs, d'infirmières, leur centre d'éducation sportive, ou sommés de rejoindre le contingent en Algérie. Satisfaits, la plupart, d'avoir passé des vacances pécuniairement et moralement rentables à s'occuper d'enfants. Mais elle, sans doute oubliée plus vite que les autres, comme une anomalie, une infraction bon sens, un désordre. Quelque chose de risible dont il serait ridicule de s'encombrer la mémoire. Absente de leurs souvenirs de l'été 58. Réduit peut-être aujourd'hui à des silhouettes floues dans des lieux vagues, à ce combat de nègres dans une cave pendant la nuit qui constituait avec relâche leur blague favorite. Disparue de la conscience des autres, de toutes ces consciences imbriquées en ce lieu précis du département de l'Orne, en cet été précis. Ces autres qui évaluaient les actes, les comportements, la séduction des corps de son corps à elle, qui la jugeait ou la rejetait, haussait les épaules ou levait les yeux au ciel à l'énoncé de son prénom à elle, à propos duquel l'un d'entre eux était pharo d'avoir trouvé le jeu de mots « Annie, qu'est-ce que ton corps dit ?» Annie Cordy, haha. Définitivement, oublié des autres. Fondu dans la société française ou ailleurs dans le monde, marié, divorcé, solitaire, grand-parent retraité, aux cheveux gris ou teints, irreconnaissable. J'ai voulu l'oublier aussi, cette fille. L'oublier vraiment. C'est-à-dire ne plus avoir envie d'écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle. Son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sans-tari. Je n'y suis jamais parvenue. Toujours des phrases dans mon journal, des allusions à la fille de S, la fille de 58. Depuis 20 ans, je note 58 dans mes projets de livre. C'est le texte toujours manquant, toujours remis, le trou inqualifiable. Sans photo, je la vois, Annie Duchesne, quand elle débarque à S, du train de Rouen en début d'après-midi le 14 août. Ses cheveux sont tirés en un chignon vertical à l'arrière de la tête. Elle porte ses lunettes de myope qui lui rapetissent les yeux, mais sans lesquelles elle se meut dans le brouillard. Elle est vêtue d'un trois quarts marine, son manteau holodène beige d'il y a 2 ans, coupé et teint, d'une jupe droite en tweed épais, retaillée aussi dans une autre. D'un pull marin à rayures, à la main une valise grise, neuve. Il y a 6 ans pour un voyage à Lourdes avec son père et qui n'a jamais resservi depuis. Et un sac en plastique bleu et blanc en forme de seau, acheté la semaine précédente sur le marché d'Yvetot. La pluie qui a battu les vitres du compartiment durant tout le trajet s'est arrêtée. Il y a du soleil. Elle a trop chaud dans son trois quarts en loden, son épaisse jupe d'hiver. Je vois une provinciale de classe moyenne, grande et robuste, d'apparence studieuse, habillée en fait main, dans des tissus solides et cossus. À côté, je vois la silhouette plus petite, carrée, d'une femme dans la cinquantaine qui présente bien. Tailleur, cheveux permanents et roux. Un port de tête autoritaire. Je vois ma mère. Son air, mélange d'anxiété, de soupçon et de mécontentement. Son air habituel de mère qui veille au grain. Je sais ce que ressent cette fille à ce moment précis. Je connais son désir, le seul qui est en elle, que sa mère déguerpisse et qu'elle reprenne le train en sens inverse. Elle bout de rancune et de honte d'être vue flanquée d'elle, qui sous le prétexte d'un changement de train à Rouen a refusé qu'elle voyage toute seule, d'être amenée à la colonie comme une gamine alors qu'elle aura 18 ans dans 15 jours et qu'elle est engagée comme monitrice. Je la vois, je ne l'entends pas. Il n'existe aucun enregistrement de ma voix de 1958. Et la mémoire retranscrit sous une forme muette les paroles qu'on a prononcées soi-même. Impossible de dire si j'avais encore des intonations traînantes des Normands, cet accent dont je devais pourtant me croire débarrassée par comparaison avec tous mes ascendants. Qu'est-ce que je peux dire de cette fille juste avant que le chauffeur de la colonie n'arrête sa voiture devant la gare, qu'elle s'y précipite après avoir embrassé rapidement sa mère pour prévenir sa volonté manifeste de monter aussi, laissant celle-ci décontenancée sur le trottoir, le navrement répandu sur sa figure dépoudrée par le voyage. Ce dont elle va se ficher, comme elle se fichera d'apprendre par la suite que la mère a dû dormir dans un hôtel à Caen, faute de correspondance le soir pour Rouen, pensant certainement que c'était bien fait pour elle, qu'elle n'avait qu'à la laisser aller seule à S. Il y a 3 jours qu'elle est à la colonie. C'est le soir, samedi. Dans les dortoirs, tous les enfants sont couchés. Je la vois comme je l'ai vue ensuite des dizaines de fois, descendant avec sa cothurne les volets de marche. En jean, un pull marine sans manches, des sandales blanches à lanières. Elle a enlevé ses lunettes et défait son chignon. Ses cheveux longs flottent dans son dos. Elle est dans une excitation extrême. C'est sa première surpatte. Je ne sais plus s'il y avait déjà de la musique quand elles sont arrivées dans la cave située hors du bâtiment central, peut-être sous l'infirmerie ou un autre local. Ni s'il était déjà là, parmi ceux qui s'affairaient autour de l'électrophone à choisir des disques. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été le premier à lui proposer de danser. C'est un rock. Et elle est confuse de danser aussi mal. Possible même qu'elle le lui ait dit pour s'excuser. Elle virevolte à grande enjambée, guidée par sa poigne à lui. Ses sandales font clac-clac sur le ciment de la cave. Elle est troublée parce qu'il ne cesse de la fixer intensément tout en la faisant tourner. Elle n'a jamais été regardée avec des yeux aussi lourds. Lui, c'est H, le moniteur chef. Il est grand, blond, baraqué, un peu de ventre. Elle ne se demande pas s'il lui plaît, si elle le trouve beau. Il paraît à peine plus âgé que les autres moniteurs, mais pour elle, ce n'est pas un garçon, c'est un homme fait, plus en raison de sa fonction que de son âge. Comme son homologue féminin, la monitrice chef, elle, il est pour elle du côté de ceux qui dirigent. Le midi même, elle a déjeuné à la même table que lui, intimidée, très gênée, parce qu'elle ne savait pas comment faire pour manger proprement la pêche du dessert. Pas une seconde, elle n'a imaginé qu'elle pourrait l'intéresser. Elle est abasourdie. En dansant, il recule vers le mur en continuant de la fixer. La lumière s'éteint. Il attire violemment contre son torse, écrase sa bouche sur la sienne. Dans le noir, des protestations fusent. Quelqu'un rallume. Elle comprend que c'est lui qui appuie sur le bouton électrique. Elle est incapable de lever les yeux sur lui dans un affolement délicieux. Elle n'en revient pas de ce qui lui arrive. Il chuchote, on sort. Elle dit oui. Il ne peut pas flirter devant les autres. Ils sont dehors, longent les murs de l'aérium enlacés. Il fait froid. Près du réfectoire, devant le parc obscur, il la plaque contre le mur. Il se frotte contre elle. Elle sent son sexe contre son ventre au travers du jean. Et il va trop vite. Elle n'est pas prête pour tant de rapidité, de fougue. Elle ne ressent rien. Elle est subjuguée par ce désir qu'il a d'elle. Un désir d'homme sans retenue, sauvage. Sans rapport avec celui de son flirt lent et précautionneux du printemps. Elle ne demande pas où ils vont. À quel moment a-t-elle compris qu'il l'emmenait dans une chambre? Peut-être l'a-t-il dit. Elle n'est plus dans la chambre de H. À quel moment de ce même dimanche soir, perdu à garde, a-t-elle croisé sur son chemin, ou bien a-t-elle rejoint volontairement, la petite troupe des moniteurs, filles et garçons, agrégés par le désir vespéral de faire la fête et de chahuter, en proie peut-être à une vague envie de bizutage en ce début de colonie? Toujours est-il que je la vois dans le couloir des chambres, protestant parce qu'elle est aveuglée par ses cheveux trempés d'eau. Celle d'un sot balancé, sans doute au cri devenu ensuite rituel de taillot taillot. On s'esclaffe. Hé, hey, comme ça tu ressembles à Juliette Gréco. Au travers de ses cheveux mouillés, elle l'aperçoit, H, massif, immobile à la porte de sa chambre, observant et souriant avec une indulgence d'aîné responsable devant des momeries de lycéens. Il me serait facile aujourd'hui de supposer que déjà au courant de tout, le groupe est projeté de me conduire jusqu'à la chambre de H par jeu. Elle commet sa seconde maladresse de la soirée. Elle se détache du groupe, crie son prénom, l'appelle au secours en riant, lui répétant ce qu'on a dit d'elle, qu'elle ressemble à Juliette Gréco. C'est naturel pour elle de chercher refuge auprès de lui à cause de la nuit d'avant, de leur nudité. Elle va pour se jeter dans ses bras. Il les garde le long de son corps. Il continue de sourire sans rien dire. Il se détourne et rentre dans sa chambre. Il pensait sans doute de plus en plus que cette fille était une idiote, qu'il n'allait pas s'encombrer d'elle, une imbécile qui se prend pour Juliette Gréco. En ce dimanche gris de novembre 2014, je regarde donc la fille qui était moi, regardant lui tourner le dos, devant tous, l'homme avec qui elle a été nue pour la première fois, qui a joui d'elle toute la nuit. Il n'y a pas de pensée en elle. Elle n'est que mémoire de leurs deux corps, de leurs gestes, de ce qui a été accompli, qu'elle ait voulu ou non. Elle est dans l'affolement de la perte, dans l'injustifiable de l'abandon. Annie Ernaux, Mémoire de fille, 2016. Extrait lu par Virginie Efira. Protestante. Comment dire ? Pascal Monde. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Confiance et partage en 2025 et que l'espérance nous éclaire. Merci à Arnaud à la réalisation technique et Rémi à la coordination. Nous allons évoquer durant 4 émissions Charles Dullin, metteur en scène, acteur, directeur de théâtre, membre fondateur du cartel, avec Louis Jouvet, Gaston Batty, Georges Pitoyev, théoricien du théâtre, pédagogue, chef de troupe. Luigi Pirandello a écrit à son propos « Il est impossible d'imaginer le caractère, la poésie, l'amour et la connaissance de l'homme si l'on n'a pas lu Charles Dullin. » Et Jean-Louis Barrault d'ajouter « Il était un exemple d'être humain. C'est lui qui nous a enseigné la pureté, la sincérité, le don total de soi-même. Nous fêterons cette année le 140e anniversaire de sa naissance, en mai 1885, à Yenne, en Savoie. Il participe à la création du Théâtre du Vieux Colombier, en 1913, sous l'égide de Jacques Copeau. Pendant la guerre de 1914, il est 2 ans dans les tranchées. Blessé, il est démobilisé. Il quitte la France et rejoint la troupe du Vieux Colombier aux États-Unis. En 1921, il est fondateur de l'École Nouvelle du Comédien. En 1922, il s'installe place d'Encourt jusqu'en 1940, dans l'ancien Théâtre Montmartre, qui devient le Théâtre de l'Atelier. Avec des pièces de Molière, Jules Romain, Luigi Pirandello, Calderon, Ben Jonson. Il dirige le théâtre Sarah Bernard, où il crée Les Mouches de Jean-Paul Sartre en 1943. Mais démissionne en 1947, ruiné et sans théâtre. Il rejoint Marguerite Jamois au théâtre Montparnasse et il y crée L'Archipel le Noir d'Armand Salacrou. Il meurt à l'hôpital Saint-Antoine le 11 décembre 1949 à 64 ans. Voici donc la suite de la conférence de Charles Dullin pour l'Université des Annales, quelques mois avant sa mort, à propos de Luigi Pirandello et de sa pièce « La volupté de l'honneur ». Une quinzaine de jours avant la répétition générale de « La volupté de l'honneur », Camille Mallarmé m'annonça la venue à Paris de l'auteur. Et voici comment je fis la connaissance de Pirandello. Nous venions de commencer notre répétition quotidienne. Mon petit régisseur vint en courant m'annoncer l'arrivée de l'auteur, avec une dame. Je grimpe dans mon bureau. Personne. Je descends à sa rencontre dans la cour du théâtre et je vois un homme d'un certain âge, avec une barbiche blanche, en train de caresser la tête de ma petite ânesse gitane. Cela ne pouvait être mon jeune auteur, car je m'étais représenté Pirandello sous les traits d'un tout jeune auteur. Camille Mallarmé, qui était partie de son côté à ma recherche, arrive et me présente Luigi Pirandello, qui était bel et bien ce monsieur à barbiche. Pirandello ne savait que peu de mots de français. Il se lança dans une pantomime très italienne pour me vanter la douceur triste, la tendresse profonde des yeux des petits ânes. Il y avait, dans ses yeux à lui, si vifs, si profonds, beaucoup de tendresse et de tristesse. Enfin, nous l'arrachâmes à gitane, et je le préparais à ce qu'il allait voir, car j'avais beaucoup d'appréhension. J'en étais à ce moment crucial des répétitions de sa pièce « La volupté de l'honneur », où l'on ne voit plus rien, où les difficultés s'accumulent, où tout vous paraît faux, raté, irrémédiablement perdu. Je craignais qu'il ne trouvât notre représentation trop pauvre, les acteurs trop jeunes. Enfin, on commença à répéter. À chaque entrée, je ne pouvais m'empêcher de lui dire « Hein, bien jeune pour le rôle, n'est-ce pas ?» Mais il me rassurait si gentiment. Il me paraissait prendre tant de plaisir à voir des comédiens qui n'étaient pas encore déformés par des tics, par des habitudes, qu'il finit par me mettre en confiance. À la fin de cette première répétition, quand je lui dis que nous avions encore 15 répétitions devant nous, il s'en émerveilla, car en Italie, c'était le temps accordé pour monter au moins 3 spectacles. Le lendemain, je lui demandai nombre d'explications. Il ne se perdait pas en commentaires. Il parlait de ses personnages comme on parle de gens qu'on connaît. Mais avant tout, pas en professeur de philosophie. Pas de théorie. Ses personnages, il les regardait vivre avec passion. C'est tout. Souvent, en pensant à Pirandello, en me rappelant la façon dont il prenait pour le plaisir de le toucher, le chapeau de paille que je mettais dans Baldovino, j'ai mieux senti encore la nécessité de construire les personnages sur une réalité humaine solide et de s'effacer devant eux, devant leur réalité, à eux. Les vrais grands moments pour nous, ce sont ceux où nous sommes dépossédés de notre propre personnalité au profit d'une autre. C'est cela qui distingue le mieux le véritable artiste du cabotin, trop préoccupé de son « moi » pour l'oublier. L'habileté du métier dans l'art de la simulation peut tromper le gros public, mais elle ne saurait suppléer au vide que laisse le mécanisme de la mémoire et de la parole, tournant comme un disque au-dedans d'un corps de robot sans âme. Cette croyance de Pirandello à la réalité vivante de ses personnages de théâtre devrait inciter à les jouer très vivants, même dans la transposition indispensable au théâtre. Et maintenant que vous connaissez un peu l'homme, je vous dirai quel était, à la veille de la générale de la volupté de l'honneur, le bagage de Luigi Pirandello. Il avait débuté dans les lettres en 1889 par un recueil de poèmes intitulé « Les mélancoliques ». En 1891 paraissait un nouveau volume de poésie. En 1894, des nouvelles. En 1908 paraissait « L'exclu », son premier roman. En 1910, Feu Mathias Pascal, 1. Personne et 100 000, les vieux et les jeunes. Quant aux nouvelles, il faut en compter plus de 365. Tout de suite après la guerre est venue la floraison miraculeuse du théâtre pirandellien, dont on ne peut penser à dénombrer tous les titres, qui dépassent le nombre de 50. Parmi ses œuvres, La volupté de l'honneur, en 1918, L'homme, la bête et la vertu, en 1919, Tout pour le mieux, À chacun sa vérité, en 1920, 6 personnages en quête d'auteur, en 1921, Henri IV, Vêtir ceux qui sont nus, en 1922. La chose ayant été divulguée dans des études sur Pirandello, il n'est pas sans intérêt dans cette causerie qui voudrait avant tout attirer l'attention sur le côté profondément humain de l'artiste, de dire que la vie privée de l'homme fut soumise à une épreuve aussi dramatique que celle des plus tragiques de ses héros. Sa femme, toute jeune encore, fut atteinte d'une maladie mentale, avec des alternatives de folie et de lucidité. Il la garda près de lui aussi longtemps que le lui permit son état. Dans ses moments de folie, elle le voyait, paraît-il, sous des aspects différents. Et pour ne pas contrarier sa manie du moment, il jouait pour elle le personnage sous lequel elle le voyait. Sa tendresse passionnée le condamna à une vie de reclus. Voilà donc l'homme, l'écrivain, le dramaturge qui allait affronter le jugement de Paris, capitale des arts et de la mode, dans un petit théâtre de Montmartre encore inconnu du grand public. L'adaptation de l'Antigone de Sophocle par Jean Cocteau accompagnait la volupté de l'honneur sur l'affiche. Cocteau était un compagnon charmant. Il s'était mis au travail de son côté dans le même esprit que nous. Il passait ses journées en blouse blanche, comme un jeune chirurgien, à peindre les masques pour Antigone. Picasso, qui avait fait les maquettes du décor d'Antigone, venait lui-même prêter la main. Chanel s'était chargée des costumes. Elle aussi rentrait dans ce jeu du théâtre de l'Atelier. Pour la volupté de l'honneur, nous avions adopté un système de paravent. Si Pirandello n'avait pas été annoncé avec l'orchestration qu'aurait motivé une révélation de cette importance, la présence dans nos murs de Cocteau, de Picasso, de Chanel, avait alerté le tout Paris mondain. Et le soir de la Générale, mon jeune régisseur venait à grand cri m'annoncer les voitures qui faisaient un tel vacarme dans la rue d'Ancourt que, de mémoire de Montmartre, on n'en avait jamais vu ni entendu autant, que les fenêtres s'ouvraient à tous les étages, que les gens se groupaient sur le pas des portes. Ce petit régisseur avait d'ailleurs la fâcheuse habitude de compter chaque soir les spectateurs à l'entrée du théâtre. Quand j'arrivais sur scène, il se précipitait à ma rencontre pour me dire « Il y a foule ! J'ai compté au moins 200 personnes !» Si je le trouvais silencieux, prêt à frapper les trois coups, je m'inquiétais. Combien ? 25 spectateurs ? Il hochait la tête sans répondre. J'étais fixé. Une fois seulement, il ajouta « Oui, à peu près, mais dans les 25, il y a la reine de Belgique. » Excusez ces digressions et revenons à notre général. Le spectacle commençait par la volupté de l'honneur et se terminait donc par Antigone. Beaucoup de personnalités mondaines étaient venues spécialement pour Chanel, Picasso, Cocteau. Sophocle, mon Dieu, n'était pour elle qu'un prétexte. Quant à Pirandello, c'était un lever de rideau. Aussi, ce fut dans un brouhaha de conversation que nous dûmes jouer les premières scènes de la pièce. Il y avait, au premier balcon, une baignoire dont les occupants et les occupantes affectaient visiblement de tourner le dos à la scène. On ne peut s'empêcher, dans ces moments-là, de penser au petit marquis, tel que les a peints Molière. Heureusement, il y avait déjà un noyau de spectateurs fervents qui suivaient l'atelier, et aussi quelques critiques qui voulaient entendre Pirandello. D'ailleurs, le retournement ne tarda pas à se produire. Assez vite, le contact s'établit entre la scène et la salle, et à la fin du premier acte, je sentis que la partie était à peu près gagnée. Mais si ce diable de démon qui me fait regarder avec un sourire intérieur le monsieur qui se prend au sérieux me pousse à ce moment même à me dire « Mais mon vieux, si tu fais ça, ta vie est finie, puisque tu admets que tu as dit tout ce que tu avais à dire, et qu'il ne s'agit plus maintenant que de le former avec plus d'élégance et de raffinement. Si ce démon me dit « Tu as frôlé une petite vérité, mais ce n'est pas la vérité, il faut aller plus loin, il faut chercher autre chose », à ce moment, tout est remis en question, et on repart de nouveau à l'aventure, à la grande aventure qu'est la recherche, et qui malgré tout semble pour moi la part la plus riche et la plus féconde de l'artiste. Fréquence protestante, une voix singulière. Plaisir d'écrire, Esther Segal. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous sur Fréquence Protestante pour notre nouvelle émission « Plaisir d'écrire » sur le thème de l'intelligence. La fois dernière, nous avions abordé la question du génie vital au sens d'une intelligence sans limite qui trouve dans une arborescence de formes de vie la manière de manifester sa présence. Une intelligence toujours en mouvement, en évolution, apprenant des interconnexions entre les différentes dimensions d'existence pour continuer de vivre, quelles que soient les épreuves. Aujourd'hui, nous allons continuer ce voyage au cœur de cette intelligence de vie qui frôle le génie, la folie, mais aussi la perversion. Comme nous l'avons découvert dans les précédentes émissions, le vivant est intelligence parce qu'il est agilité. Une agilité toujours en évolution, en mutation. Une agilité tout en mémoire, apprenant de son rapport à l'altérité et déployant son incarnation au monde sous la forme la plus adaptée à son contexte environnant immédiat. Ce vivant développe ainsi une compréhension et une maîtrise de sa réalité ambiante qui lui permet de se développer et de se reproduire. Ce processus vital s'applique à toute forme d'existence qui, dans leur singularité, leur univers propre, finissent par interagir entre elles dans une communication allant du non-verbal au verbal. Cette dimension holistique du vivant nous invite à repenser notre conception et notre perception de ce que l'on nomme intelligence, car elle n'est pas l'apanage de l'espèce humaine, mais le dénominateur commun à toute évolution de vie. Elle s'exprime simplement de manière diversifiée pour accroître ses capacités de survie. En d'autres termes, la multiplicité des formes d'être au monde est un vivier des possibles auquel l'intelligence vitale transmet, selon les besoins et la réalité dans laquelle ce possible vivant évolue, des outils pour survivre, des techniques de défense, un langage spécifique adapté aux modalités de l'environnement donné, aérien, aquatique, terrien ou inconnu. Une intelligence qui s'exprime aussi par mutation génétique et sélection naturelle positive. Ainsi, cellules, molécules, insectes, végétaux, animaux et humains sont le résultat de transformations réussies permettant de renforcer la survie de l'espèce dans le temps et de faire face aux changements hostiles. La résistance des insectes face aux pesticides en est un exemple surprenant. Leur faculté à développer des défenses dans un temps relativement court est la manifestation de cette vie qui veut vivre. Ces plantes qui, en un siècle, ont changé de couleur pour se confondre avec la pierre et échapper aux prédateurs-cueilleurs, en est un autre. La vie est vigilante. Elle apprend des épreuves. Elle trouve la manière de contourner l'obstacle. Elle est comme un réseau de ramifications qui, selon le contact établi, se contracte, se rétracte, se déplace pour s'adapter et continuer son dessein de vivre. Elle déploie aussi une volonté originelle de s'harmoniser avec le monde et d'y maintenir un équilibre. On parle souvent de relations symbiotiques entre espèces, mais cette symbiose peut être aussi comprise à une plus grande échelle. L'univers, notre Terre, nos cellules sont un pacte du vivant, du cosmique, un pacte politique, écologique, naturel et mutualiste où des lois bénéfiques pour la vie sont distribuées afin de contenir toute menace d'effondrement. Seule l'humanité semble vouloir se départir de ce contrat de conciliation avec la nature, en convoitant perpétuellement ce qui ne lui appartient pas. Est-ce par envie, par arrogance ou peut-être simplement par ignorance? La question mérite d'être posée. Là où le vivant, autre que l'humain, déploie un imaginaire de beauté, d'architecture, de défense naturelle, là où des arbres vivent plusieurs siècles, des rats ne connaissent pas le cancer, des êtres voient la nuit et lancent des ultrasons, là où des animaux composent avec le champ magnétique de la Terre, peuvent vivre sous l'eau ou voler, l'humanité, elle, reste nue comme un ver. Dépourvue de capacités anatomiques extraordinaires, et toute sa tragédie humaine réside dans le fait qu'elle en a pleinement conscience. L'humanité ne doit sa survie qu'à sa capacité d'imiter la nature en fabriquant de ses mains des armes ou des outils prothèses destinés à minimiser ses handicaps naturels. En cela, Sa défiance pour la nature ne pouvait que s'accroître au fil des générations, puisque ce berceau naturel est un témoin gênant dont l'humain se serait bien débarrassé s'il ne risquait de disparaître en même temps. Alors, à défaut de pouvoir éliminer la preuve accablante de ses frustrations, l'Homo sapiens se crée des super-pouvoirs, des machines, des écrans, des mondes virtuels, des intelligences artificielles, et réduit pendant ce temps en esclavage une nature qui lui rappelle sa propre nature d'avant les fondations de sa prison en fer doré, en lui confisquant ses terres, ses forêts, en l'enfermant derrière des barreaux, en l'exploitant à outrance, en la copiant et en la maltraitant avec un profond mépris. La révolution industrielle est devenue une broyeuse de monde et de vie. Entre élevage intensif, massacre, maltraitance d'animaux par milliers, déforestation et expérimentation scientifique. La vie en dehors de l'humain ne trouve plus aujourd'hui refuge que dans des réserves, des fondations, des territoires protégés et délimités. Loin de nous, les sociétés qui sanctifiaient la nature, lui prêtaient de l'esprit, de l'âme, la remerciaient chaque jour pour ses bienfaits, à l'exception de quelques peuples autochtones qui aujourd'hui encore cultivent ce lien de gratitude avec la terre et luttent contre l'hyper-industrialisation, la déforestation massive et la chasse. On peut citer, pour exemple, les peuples d'Amérique du Sud, les Quichuas, les Indiens Kogi et les Kayapos, qui considèrent la nature comme étant un corps sanctuaire vivant, une mère-terre où chaque forme de vie est un organe ayant un rôle à jouer pour maintenir l'équilibre. Une nature qui doit être célébrée et remerciée. En Inde, au Rajasthan, il y a le peuple Bishnois, vivant en plein cœur du désert, qui se dévoue religieusement à la nature et respecte toute forme de vie sans aucune discrimination ni échelle de valeur. Cette phrase prononcée par une femme qui donna sa vie pour sauver des arbres résume à elle seule toute leur philosophie. La vie d'un arbre vaut plus qu'une tête coupée. Peau de terre contre peau de fer, nature nourricière contre machine nourricière. Voici l'émergence d'un nouveau combat, celui de l'évolution face à la dégradation, car l'intelligence de vie n'est plus ici au service d'une évolution, mais d'une corruption que j'apparenterai à une forme de perversion animée du désir de créer un autre monde, non plus à l'image de la création naturelle, mais à l'image de l'humain, où tout sera fictif, factice, algorithme et robotique. Un royaume artificiel, évidemment, sous total contrôle, car la plus grande peur de l'humanité reste celle de se retrouver face à face avec cette liberté qu'elle a perdue dans sa course au progrès. Une liberté originelle, première, qui lui fait horreur et que la nature incarne définitivement. D'un point de vue a-religieux, nous pourrions dire que ce n'est pas le divin qui a chassé l'humain du paradis, mais l'humain qui s'en est chassé tout seul. Cette dernière pensée me renvoie au songe ridicule d'un homme de Dostoïevski qui raconte l'histoire de cet homme qui se met à rêver d'une terre paradisiaque qu'il finit par détruire. Oui, oui, à la fin je les ai tous corrompus. Comment cela a pu se produire, je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus très bien. Le rêve traversa des millénaires et ne me laissa que la sensation d'un tout. Je sais seulement que la cause du péché originel, c'était moi. Comme une trichine dégoûtante, comme un atome de peste qui contamine des pays tout entiers, ainsi moi-même, j'ai contaminé toute cette terre qui avant moi vivait heureuse et sans péché. Ils apprirent à mentir, ils aimèrent le mensonge. Ils connurent la beauté du mensonge. Oh, peut-être cela commença-t-il innocemment, par une plaisanterie, une coquetterie, un jeu entre amoureux. Réellement, peut-être, par un atome. Mais cet atome de mensonge s'enfonça dans leur cœur et leur plus. Puis, très vite, naquit la sensualité. La sensualité engendra la jalousie. La jalousie, la cruauté. Oh, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais très vite, le premier sang jaillit. Ils s'étonnèrent, ils furent horrifiés et commencèrent à se disperser, se désunir. Parurent les alliances, mais cette fois les uns contre les autres. Commencèrent les querelles, les reproches. Ils connurent la pudeur et firent de la pudeur une vertu. Naquit la nation d'honneur et chaque alliance hissa son propre drapeau. Ils torturèrent les animaux. Les animaux s'éloignèrent d'eux dans les forêts et furent leurs ennemis. commencèrent les luttes pour les séparations, l'autonomie, l'individualité, pour le mien et le tien. Ils parlèrent des langues différentes. Ils connurent la douleur et aimèrent la douleur. Ils eurent soif de souffrance et dirent que la vérité ne pouvait être atteinte qu'à travers la souffrance. Alors parut la science. Quand ils devinrent méchants, ils parlèrent de fraternité, d'humanité et comprirent ces idées. Quand ils devinrent criminels, ils inventèrent la justice et s'imposèrent toute une série de codes pour la conserver. Et, pour se conserver les codes, ils instaurèrent la guillotine. Ils ne se souvenaient qu'à peine de ce qu'ils avaient perdu et ne voulaient même plus croire qu'un jour ils avaient été innocents et heureux. Ils riaient même de la possibilité de ce bonheur passé et ils l'appelaient un songe. Ils ne pouvaient même pas se le représenter en forme et en image. Mais, chose étrange et merveilleuse, ayant perdu toutefois dans leur bonheur passé, l'ayant traité de fable, ils voulurent tellement redevenir innocents et heureux, l'être une fois encore, qu'ils succombèrent devant le désir de leur cœur comme des enfants, déifièrent ce désir, érigèrent des temples, et se mirent à prier leur propre idée, leur propre désir, tout en croyant pleinement dans le même moment qu'il était impossible et irréalisable, mais l'adorant jusqu'aux larmes et se prosternant devant lui. Ce texte de Dostoïevski nous raconte en quelques pages notre rapport au monde, nous raconte cet atome d'intelligence de vie qui se met au service d'un désir prédateur de voir le corps social démembré. C'est ici qu'intervient la question cruciale. Intelligence, évolution ou perversion? Qu'en est-il lorsque l'intelligence est utilisée à des fins transgressives, à des fins de domination sur d'autres formes de vie? Mais avant de continuer plus en avant cette réflexion, j'aimerais vous laisser en compagnie de Mozart et de son Lacrymosa, extrait du Requiem en ré mineur, qui accompagne très bien ce texte de Dostoïevski. Thank you. C'était le Lacrymosa de Mozart, toujours aussi magnifique pour Fréquence Protestante. Et nous revoici ensemble pour une émission Plaisir d'écrire sur le thème de l'intelligence. Il est question aujourd'hui de comprendre comment cette intelligence de vie qui participe de l'évolution peut aussi se révéler plus complexe et déviante. Nous pourrions parler non plus donc d'évolution, mais de perversion. Non, une perversion liée au désir sexuel, mais au désir simplement. Au désir de faire du mal, de dominer, de détruire. Un désir biaisé, une chute de l'être vers une artificialité destructrice. La perversion, c'est lorsque le meilleur sert au pire. C'est lorsque l'intelligence sert à asservir l'autre et à le réduire à l'état d'objet. On ne peut s'empêcher de penser au philosophe Descartes qui définissait les animaux comme étant de simples machines, ou encore cette loi qui jusqu'en 2015 qualifiait l'animal de simple meuble. C'est pour cela qu'il est intéressant d'envisager symboliquement la notion de fabriquer un outil comme de la réalisation d'une prothèse, quelque part fétichiste, pour pallier à un mal-être existentiel. L'humain ne cesse de fabriquer des objets car il veut voler comme un oiseau, respirer comme un poisson, courir comme un guépard. Il exprime au travers de cette course à la fabrication de la chose inerte un complexe d'enfant mal adapté au monde qui craint de disparaître devant le charisme immense de cette nature vivante et libre dont il n'est que le descendant et non l'origine. En effet, comment regarder d'égal à égal une nature qui meurt dignement, qui ne demande rien, qui existe avec ce qu'elle a, qui se nourrit de ce qu'elle trouve, qui recycle naturellement tout ce qu'elle engendre, alors que l'espèce humaine, de plus en plus, pollue, abîme, détruit au fur et à mesure que sa soif inextinguible de progrès la consume et la consomme. Que faire d'autre alors que de se construire son propre monde avec sa propre nature pour s'affranchir de ce miroir de vie qui nous renvoie une image si faillible et détestable ? Que vouloir d'autre que de mettre à distance la nature pour ne pas se confronter à cette odeur d'animal que l'humain pense et ne veut plus être ? Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce fantasme d'un monde autre va devenir réalité. On va créer des mondes imaginaires alors que tout est à portée de nous. On va chercher dans l'irréel une réalité rassurante à l'image de l'humain et non à l'image de la nature et peut-être quelque part du divin. C'est un péché d'orgueil que de vouloir empailler la terre pour l'admirer dans son salon. L'humain veut recréer la nature, donner vie à de la matière inanimée alors que c'est la nature vivante qui l'a créée. L'intelligence artificielle, ça reste mon avis, semble vouloir remplacer à long terme l'intelligence naturelle, alors qu'il est important de garder le contact empathique avec la réalité du monde qui nous entoure. Et ce développement passe par l'interconnexion d'avec ce monde, la vie et la nature, et non par l'interconnexion de circuits et de métaux. La perversion de l'intelligence est ici de vouloir mettre à mort la vie et de donner une vie artificielle à la mort. Rousseau écrivait dans ses Confessions « Jamais la nature nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons ». Aujourd'hui, cette citation mérite une variante qui sera plus adaptée au contexte actuel. Jamais la nature nous trompe, c'est toujours nous qui la trompons. Pour ma part, l'intelligence dont dispose l'humain est peu à peu au service d'une forme de dégénérescence, de la compréhension du monde, un prisme déformé, car construire des mondes artificiels, redéfinir la nature à son image et non à celle de sa nature véritable, constitue les débuts d'une névrose collective. La nef des fous du peintre visionnaire Jérôme Bosch illustre parfaitement cette perversion névrotique d'un monde malade. Une névrose collective marquée par l'obsession de s'affranchir de sa propre nature en anéantissant tout ce qui lui rappelle celle-ci. La perversion devient ici pulsion de mort et non plus pulsion de vie. Sous couvert de s'affranchir, on s'enferme de plus en plus dans une folie destructrice et matérialiste où l'on emprisonne la nature dans des zoos, tandis que l'espèce humaine se cloître dans des prisons économiques. Des prisons économiques qui décident de qui doit vivre ou pas, qui laissent de côté ceux qui ne servent plus à rien, humains et êtres vivants non humains confondus. L'espèce humaine est devenue quelque part virale pour la Terre, car dans sa quête de se fabriquer son propre paradis artificiel et son obsession de partir dans l'espace coloniser d'autres planètes, elle détourne le principe d'intelligence bénéfique au profit d'une pulsion meurtrière, celle de s'affranchir de la nature et de toute culpabilité envers elle. En psychanalyse, on évoque souvent l'acte symbolique de tuer le père, ce meurtre archaïque et fondateur qui marque une rupture d'avec l'autorité. Ici, nous assistons pour la première fois à un second meurtre historique, celui de tuer la mère, nature. un crime matricide qui marquera notre exil vers une terre promise au milieu d'un univers hypothétique. Un exil initié par une technologie aveugle qui se tourne vers une ligne d'horizon au lieu de se tourner vers la réalité d'une beauté qui nous tend les bras depuis notre naissance. S'il y avait un nouveau péché à nommer, ce serait sans doute celui-ci. Voir mourir tous ces êtres vivants, cette faune, cette fleur, foulée aux pieds par les nouveaux promoteurs du temple, sans réagir. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser en compagnie de cette symphonie numéro 6 de Haydn, qui célèbre la nature qui se présente à nous chaque jour et nous permet de méditer un petit peu sur nos actions. C'est avec cette musique d'Haydn que je terminerai cette émission Plaisir d'écrire. Nous nous retrouverons pour un prochain Plaisir d'écrire le mercredi 30 avril à 13h15 sur Fréquence Protestante. En attendant, si vous souhaitez retrouver mes émissions précédentes, celles-ci sont disponibles dans un ouvrage édité aux éditions Almora, Très Daniel, qui s'appelle Le Sentier des Étoiles, voyage mystique au bout des mots. Merci, merci à vous tous. J'espère ne pas avoir été trop dur avec la société humaine. Et à bientôt pour la suite de notre cycle sur l'intelligence. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens. M'entendez bien, je suis en duplex du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Évidemment, je parle de BD ici toutes les semaines, mais une fois par an, c'est la fête de la bande dessinée, ici la commémoration du 9e art pendant les 4 prochains jours, donc dans cette belle ville de la Charente qui nous accueille chaque année. Alors moi j'y suis dès le mercredi parce qu'on a la chance en tant que journaliste de pouvoir venir visiter les expositions, découvrir en avant-première le festival avant que tout le monde se rue demain pour pouvoir découvrir les stands, les auteurs, les animations, les concerts, que sais-je, plein de choses donc d'ici dimanche. Pour vous donner envie éventuellement de nous rejoindre, je vous invite à donc on va découvrir un petit peu, dévoiler un certain nombre de choses à venir dans ces prochains jours, notamment dès ce soir donc aura lieu la cérémonie d'ouverture qui chaque année révèle le prochain Grand Prix, puisque chaque année, vous savez, les auteurs votent en 2 tours, un premier tour en lequel ils peuvent s'exprimer à loisir et citer les 3 noms de leurs auteurs préférés, qui que ce soit, dans tous les domaines confondus, j'entends français, américain, mangaka, bref, comme on veut. Et puis ensuite, un deuxième tour propose donc aux trois personnes arrivées en premier donc de pouvoir être à nouveau être élues là, pour le coup Grand Prix. Et cette année, pour la première fois, on a eu trois femmes en tête, donc trois femmes qui sont encore en lice. C'est la même que je vous parle du coup. Enfin, les votes sont clos évidemment, hein, mais donc on a eu donc trois femmes, citons-les. Catherine Meurice, la française évidemment, Anouk Ricard aussi, et puis une américaine, Alison Bechdel. Ces trois femmes donc seront désignées, une des trois plutôt sera désignée ce soir lauréate du Grand Prix donc de cette 52e édition, et à ce titre aura du coup une exposition qui lui sera consacrée l'année prochaine lors de la prochaine édition du festival. Cette année d'ailleurs, puisque c'était Posy Simmons, déjà une femme qui a été élue l'an dernier, et bien c'est elle qui a d'ailleurs une très belle exposition que je n'ai pas encore vue puisque je viens d'arriver à Angoulême à l'heure où je vous parle, et donc je vais aller la voir tout à l'heure pour découvrir tout plein de belles pièces originaux. Il semble qu'a priori il y a une partie très importante de son œuvre qui va être découverte et ainsi dévoilée au public, des carnets personnels, etc. Donc voilà. Là, je vous parle, je suis actuellement à l'espace des éditeurs qui sont en train de finaliser l'installation des stands. Donc c'est là qu'évidemment de grands nombres de lecteurs viennent tous les matins. C'est assez rigolo à voir, hein, l'ouverture à 10h où les gens, lorsque les portes s'ouvrent, se mettent à courir très très vite pour être en premier devant l'espace de leur auteur préféré pour se faire dédicacer leur album. Autant vous dire que le sol tremble, parce qu'on est au Champ de Mars à Angoulême, qui est une place au-dessus d'une galerie commerçante. Et en général, à cet endroit-là, il n'y a rien. Donc, c'est des bulles qui sont, on appelle ça des bulles, le monde des bulles même, dans lesquelles, en fait, c'est un faux plancher avec une petite grosse tente au-dessus de nous. Et donc, en fait, cet endroit, du coup, voilà, tremble un peu de partout quand ça rentre le matin. C'est à voir. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein de stands. Alors, il y a plein de nouvelles décorations, évidemment. Là, devant moi, par exemple, il y a des stands Casterman. Voilà, avec une très belle décoration avec ressources ou avec leur bel album Ulysse et Cyrano, voilà, qui a eu plein de prix, ou Éclore. Bon, voilà, chacun un métron. Là, devant moi, il y a le Lombard aussi avec Au soir de grande ardeur. Enfin, d'ailleurs, je vous en parle parce que je recevrai l'auteur très prochainement dans cette émission. Voilà, un livre que j'ai beaucoup aimé, Nicolas Pudna, un gars que j'aime bien. Il y a aussi Dargo avec La Route, l'adaptation de Kerouac par Larsenet, il y a du Rutsef, enfin, il y a des gens partout, voilà, et tous les éditeurs, tout le monde est là. C'est évidemment la plus grande librairie de bande dessinée de France, hein. Je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés où il y aura des livres et des auteurs partout, à partir de demain matin. Donc voilà, évidemment un grand rassemblement. Alors cela dit, c'est pas seulement un endroit pour se faire dédicacer ses livres ou on peut aussi, et c'est intéressant aussi, rencontrer des auteurs très rares, notamment des mangakas japonais ou des auteurs américains qui sont évidemment plus rares sur nos contrées et qui viennent à l'occasion du festival pour donner des masterclass par exemple. Et donc c'est l'occasion évidemment d'en savoir un peu plus sur leur travail, genre, pas seulement se faire signer son livre, mais entendre les auteurs parler, discuter. Alors encore une fois, moi j'en reçois ici toutes les semaines, et j'en suis bien contente, et j'aime bien donner la parole à ceux qui font la bande dessinée. Et bien là, en l'occurrence, c'est ça ici, le plaisir de pouvoir écouter les auteurs partager avec nous leur façon de travailler. Alors pour les hommes auteurs en herbe, ben voilà, on en apprend beaucoup, beaucoup évidemment, et pour les lecteurs et les passionnés, c'est toujours très intéressant d'entendre parler, encore une fois, ceux qui la font. Donc là, les masterclass, par contre, il y en a certaines qui sont d'ailleurs, c'est évidemment un des problèmes, on va dire, de ce festival cette année, qui a non seulement augmenté ses tarifs de prix d'entrée, donc ça j'en avais déjà parlé, les masterclass sont payantes et sont réservations, donc il y en a beaucoup qui sont déjà complètes, notamment toutes celles avec les mangakas ont été complètes quasiment à l'ouverture, encore une fois c'est très très prisé, même si je trouve que cela coûte cher, hein, c'est quand même 12€ le prix de la masterclass, en plus du prix du billet qui est déjà élevé, mais malgré tout, encore une fois, ça marche, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, hein, ils ne vont pas réduire les prix toutefois, voilà, mais évidemment, encore une fois, je trouve que c'est un moment très très privilégié pour chaque lecteur de pouvoir, et notamment les mangakas qui sont tellement rares, de pouvoir comme ça en savoir un peu plus sur leur habitude, sur leur travail. Et puis aussi, certains, comme tu le dis, il y a trois expositions consacrées à des mangakas, ça aussi c'est assez rare. On sait que les Japonais ont un peu du mal à faire sortir les originaux de leur pays. Alors, même si, évidemment, le Festival de la bande dessinée d'Angoulême a une renommée mondiale et qu'ils peuvent être rassurés sur le fait que les originaux sont de bonnes mains et qu'on va les rendre à la fin, malgré tout, voilà, ça reste quand même un moment très voilà, important pour eux. Et donc, ils ont du mal parfois encore à faire sortir leurs originaux. Mais là, c'est le cas. Donc, à Angoulême, on aura notamment une exposition sur Vinland Saga. Voilà, cet auteur qui d'ailleurs sera là, évidemment, à Angoulême. Il y a une grande exposition aussi autour de Lovecraft, autour de Gutenabé, qui a consacré un certain nombre de ses travaux sur Lovecraft. Donc, il y avait une grande exposition à un endroit qui s'appelle l'Espace Franquin. Ça me fait marrer, parce que, évidemment, Franquin, c'est Gaston, c'est de la BD franco-belge, et on y met des expos manga. C'est pas la première fois qu'il y a cette espèce de transversalité, mais aussi, on est ici pour parler de toutes les bandes dessinées. Et puis, je le disais, s'il y a beaucoup d'auteurs de manga, enfin, notamment d'auteurs de manga, c'est parce qu'évidemment, aujourd'hui, les plus jeunes qui viennent, qui lisent, qui arrivent à la bande dessinée, ils y arrivent aussi d'abord par le manga. Donc pour les faire venir et leur donner envie de venir au Festival d'Angoulême, rien de mieux que de consacrer des expositions et des recevoir les auteurs et organiser des masterclass avec ces auteurs qu'ils lisent et qu'ils apprécient tout au long de l'année. Voilà, il y a aussi évidemment un quartier jeunesse. Donc ça se situe au niveau du musée, de ce qu'est le musée, évidemment, de la bande dessinée ici à Angoulême. Donc toute l'année, il y a des expositions qui sont proposées. Mais il y a, à l'occasion du festival, une partie de ce musée qui est dédiée, qui devient le quartier jeunesse, où on y retrouve évidemment une exposition cette année plurielle, avec plein d'auteurs et d'éditeurs différents qui se sont partagés, on va dire, puisque c'est une exposition qui s'appelle « La BD règle ses contes ». Les contes, C-O-N-T-E-S, évidemment, hein, ses contes de fées, et le conte et autres contes pour les enfants. Et donc, ce sera l'occasion, du coup, de pareil, une belle exposition. Encore une fois, je vous parle comme ça, je vais les voir tout à l'heure. Hein. Je suis promis, je vous montrerai plein de choses, puis j'en parlerai la semaine prochaine. Hein. Mais une exposition qui se veut ludique et interactive, etc., pour les enfants. Et où on aura du coup plein d'auteurs qui vont aussi s'alterner pour proposer rencontres, conférences et autres activités pour les enfants. Donc ça, ce sera au quartier jeunesse, au même endroit dans ce fameux musée. Là, il y a une grande expo qui démarre aujourd'hui sur la science-fiction dans la bande dessinée. Et là, typiquement, c'est une exposition qui est produite par le musée, du coup, qui démarre à l'occasion du festival, mais qui va durer jusqu'au mois de juin. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de venir à Angoulême pour le festival, là, d'ici ce dimanche 1er 2 février, eh bien, vous pourrez en tout cas en venir voir au moins cette exposition plus tard si vous le souhaitez. Donc voilà, donc il y a plein de bonnes raisons pour venir à Angoulême, évidemment, tout au long de l'année, notamment ce musée qui propose tout au long de l'année, non seulement des expositions thématiques, mais aussi un fonds, évidemment, très important avec une partie musée permanent pour connaître l'histoire et plein de choses sur la bande dessinée. Voilà, donc, encore une fois, Angoulême, c'est la ville de la bande dessinée pendant une semaine, mais c'est en fait toute l'année. Ne serait-ce que quand vous arrivez à la gare, il y a des statues un peu partout, et notamment ce grand héros de Franck Margerin, dont le nom m'échappe évidemment au moment où je vous parle, celui avec sa grosse poupette sur la tête. Je serai en studio, je pense qu'Arnaud pourrait me souffler le nom en régie derrière. Bon bref, ça me reviendra plus tard, pardon. Mais en tout cas, voilà, plein de statues partout. Les noms, les plaques des rues sont en bulles. Enfin bref, tout est fait vraiment pour qu'on comprenne qu'on est dans le monde de la BD, plein de murs peints évidemment. Bref, tout ça pour dire que la BD ici, c'est la fête aujourd'hui, mais aussi toute l'année. Cette ville d'Angoulême vraiment s'est emparée de la BD et on en est bien content évidemment pour ceux qui sont comme moi, grand lecteur de ce médium particulier dans la littérature. Toutefois, je ne pouvais pas passer sous silence la grosse polémique qui a démarré depuis la semaine dernière. Je te l'ai dit, il n'y a pas une édition du festival sans polémique, mais c'est vrai que cette année, particulièrement, la semaine dernière, dans l'Humanité Magazine, notre collègue Lucie Servin a dévoilé un grand dossier dans lequel elle est revenue sur un certain nombre de choses et d'exactions qui ont pu être faites par le festival. Notamment, je serais très fou, le festival est géré par une association qui s'appelle 9e Art Plus, enfin, l'association du festival FIBD et une société de 9e Art Plus. Et clairement, il y a des problèmes de dysfonctionnement dans l'organisation, dans la gestion, dans le management des équipes. Mais la chose la plus grave qui a été dénoncée, c'est un viol, rien que ça, en 2024, dans l'équipe. Et donc la personne qui a été violée l'a ensuite signalée et il n'a fait que, et finalement, après l'avoir signalée, elle a été licenciée. Donc autant vous dire qu'évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Depuis une semaine, on parle beaucoup de ça. Donc je ne sais pas comment ça va être géré par le festival. Malgré tout, encore une fois, les gens sont là, ils sont très contents. Mais si vous êtes un peu sur les réseaux, si vous avez suivi un peu, il y a des auteurs qui manifestent, il y a des éditeurs qui souhaitent évidemment qu'on règle des comptes et notamment qu'on trouve une solution pour changer l'équipe actuellement en place, parce que le festival existait avant que 9e Art Plus soit là et on espère bien que le festival continuera une fois après. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un festival qui est très convoité par un certain nombre de prestataires extérieurs qui reçoivent beaucoup de subventions d'un peu tout le monde et que voilà, forcément, dès qu'il y a de l'argent, et ça fait des convoitises. Mais le problème personnel, là, évidemment, est le truc le plus choquant de l'affaire. Donc je trouve que voilà, quand on ne sait pas quand il y a des problèmes aussi graves que ça, parce que là on parle de choses très graves, c'était évidemment important d'en parler et je félicite évidemment Lucie Servin d'avoir dévoilé cette histoire dans l'Humanité Magazine, qui a d'ailleurs été reprise un peu partout. Hein. On en a parlé sur France Inter, on en a parlé dans Libération, le papier a été repris un peu dans plusieurs médias et c'est normal, et dans les médias spécialisés type Actua BD aussi. Enfin voilà, je vous engage à aller en savoir plus, parce que je n'en dis que quelques mots ici, c'est une grande enquête qui fait 6 pages, et un peu plus même, je ne sais plus, enfin bref, donc en tout cas, voilà, c'est important de signaler lorsqu'il y a des choses graves qui se passent, et donc voilà, allez vous renseigner si vous le souhaitez un peu plus sur cette affaire en particulier. Mais voilà, évidemment, que ça ne gâche pas à la fête, j'ai envie de dire, même si le mot est mal choisi, toutefois, voilà, j'espère évidemment qu'on aura quand même une belle édition de ce festival, et qu'on pourra récompenser les auteurs qui le méritent. Là, je vous dis, la minute où je parle, je suis devant le stand d'Argo avec un très grand panneau sur, sur le L'intranquille Monsieur Pessoa de Nicolas Barral, qui est en lice pour les prix. Il était venu, Nicolas Barral, évidemment, à cette antenne pour en parler. Eh bien, il sera peut-être récompensé samedi soir, ça on le saura, parce que chaque année, évidemment, on remet des fauves d'or. Les fauves, c'est le prix remis pour les meilleurs albums de l'année. Et donc, la cérémonie aura lieu samedi soir. Je vous parlais tout à l'heure de la cérémonie d'ouverture qui a lieu ce soir pour annoncer le Grand Prix. Donc, l'auteur récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Mais il y a aussi des prix chaque année qui sont remis pour récompenser les albums parus dans l'année précédente. Et donc, là, samedi soir, nous connaîtrons les lauréats. Donc, dans différentes catégories, le Fauve d'Or étant la meilleure catégorie, évidemment, le plus meilleur album. Mais il y a plein de catégories. Donc, qui permettent comme ça de récompenser différents clubs, différents artistes, différents albums en jeunesse. Et voilà, et bref, et donc tout ça sera connu en fin de semaine. Et encore une fois, j'aurai évidemment le plaisir d'en parler avec vous une fois qu'on connaîtra tout le palmarès. Et si possible, évidemment, d'avoir certains des lauréats. Je vais évidemment rencontrer pas mal d'auteurs d'ici la fin de semaine, enregistrer des interviews, plein de choses pour partager avec vous lors des prochaines émissions. Voilà, vous savez, évidemment, toutes les informations sont sur le site bdangoulême.com. Ça démarre demain jeudi matin, jeudi 29, je ne sais plus quel jour on est, 30 janvier, pardon, et ça dure jusqu'à dimanche 2 février. Voilà, 4 jours en Charente pour le Festival d'Angoulême, 52e édition. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité et merci évidemment à Arnaud d'avoir réalisé cette émission en duplex d'Angoulême. On se retrouve en studio mercredi prochain. Très bonne journée à tous. Salut! Au micro. Carabistouille. Carabistouille, le magazine des littératures francophones pour la jeunesse. Carabistouille. Carabistouille, le magazine des littératures francophones pour la jeunesse. Bonjour, aujourd'hui l'invité de Carabistouille est Fabienne Jonca, une autrice qui a toujours été attirée par la différence et par l'ailleurs et vit depuis 30 ans sur l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Nous parlerons aussi d'albums qui jouent avec les expressions idiomatiques, des expressions qui changent d'une langue ou d'un pays à l'autre. Et pour commencer, je vous propose d'écouter une reprise en créole mauricien d'un grand classique de la chanson française, par Lisa Ducasse dans le premier album Iléisme paraît à la fin du mois de janvier. Je vous laisse deviner le titre et l'interprète original de cette reprise. Bien si nous ne passe pas belle horace, depuis 20 ans l'amour a tremblé. Bien souvent Tophine quitte la case, beaucoup fois Amon prend le timé. Si ça que mes petits capaves causaient dans la Samsambé avec biberon, ce tiabaracon nous cyclone. Ne t'y n'ai plus quoi d'un ennier, ne t'y n'ai plus envie de dire non, ne t'y n'ai plus envie de répondre. Mes mots, l'amour, toi, mon soleil, mon trésor, mon vélo, dans grand matin jusqu'à la nuit, vine lourd, mon content, toi, gâté, toujours. Enferme-moi dans pied silence, mon perdis-toi dans sa question. Bien sûr, tu ne connais les autres décors, l'autre compagnie pour passer le temps, pour qu'il écho mordant soupir. Mais finalement, oui, finalement, faut des vrais même beaucoup d'efforts pour vieillir bien sans vine. Fabienne Jonca, bonjour et bienvenue dans Carabistouille. Bonjour, merci de m'accueillir. Fabienne Jonca, dans les portraits de vous qu'on peut lire en ligne, on apprend que vous avez commencé à voyager très tôt grâce aux mots et que dès l'enfance, vous rêviez de l'ailleurs. On apprend que vous êtes né en Catalogne, près de Perpignan, et qu'au début des années 90, vous avez décollé de Paris pour passer 3 mois sur l'île de la Réunion, où vous vivez depuis, vous vous y êtes installé depuis 30 ans. On apprend que vous écrivez pour les enfants, mais aussi pour les plus grands, que vous animez des ateliers d'écriture, que vous photographiez, vous continuez à voyager, à goûter au plaisir des rencontres. Est-ce que, Fabienne Jonca, vous vous retrouvez dans ces quelques éléments de portrait ? Vous savez tout, merci, au revoir. Oui, effectivement, c'est le portrait qui circule, mais qui est pas du tout... qui n'est pas du tout infondé, puisque je suis né donc en Catalogne française dans une famille d'agriculteurs il y a un certain nombre d'années, voilà, et on voyageait pas beaucoup avec mes parents, mais par contre moi je voyageais toujours et je lisais un petit peu, mais j'écrivais surtout, donc je voyageais avec les mots, et puis dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait d'ailleurs, que ça soit à l'école ou parce que l'été, on est une région, c'est une région très touristique, la Catalogne, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs. Et moi, j'avais toujours, à travers ces rencontres, mais je visitais le monde, je visitais la France, en tout cas à l'époque, et j'ai toujours eu envie, moi j'ai toujours été attirée par la différence et par l'ailleurs. Et comme vous le disiez effectivement, bon, j'ai fait une partie de mes études à Montpellier, puis j'ai vécu 6 ans à Paris, j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler à Paris. Et puis en 91, je suis venue rendre visite à des amis qui s'étaient installés à La Réunion. Je suis venue pour 3 mois et voilà, et ça fait plus de 30 ans que j'y suis. Est-ce qu'on pourrait, Fabienne Jonca, commencer par parler de vos lectures d'enfance? Est-ce qu'il y a un livre que vous aimiez et que vous lisiez quand vous étiez enfant et que vous aimez encore aujourd'hui partager avec des enfants? Ce que je dis souvent et qui surprend, et surtout quand j'en parle avec mes amis et collègues écrivains, c'est que moi je lisais très peu, jusqu'à l'âge de 10-11 ans, je lisais très peu. Et par contre, j'ai toujours écrit. Depuis l'âge de 8 ans, je me suis laissé prendre par la magie des mots, et donc j'ai toujours beaucoup écrit. Après, effectivement, j'étais dans une famille de grands lecteurs. De temps en temps, je picorais des livres, mais bon, je m'étais arrêté à la bibliothèque rose alors que mes frères et sœurs étaient déjà passés à la verte et bien au-delà. Et puis, je devais être en 6e. Maman étant une grande lectrice, elle m'a mis dans les mains un livre. Alors aujourd'hui, c'est un auteur qui parle plus du tout aux enfants, Marcel Pagnol, et elle m'a mis dans les mains Le Temps des secrets. Donc j'ai un peu commencé par la fin, et c'est là où j'ai découvert quelque chose qui ne m'a pas quitté, c'est que quand je rentre dans l'univers d'un auteur qui me parle, j'ai tendance à lire tous ses livres. Donc j'ai lu tout Pagnol, et puis après, bon, bien d'autres auteurs, mais c'est vrai que j'aime beaucoup rentrer dans un univers et puis le suivre. Donc ça a été, voilà, je lisais peu, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire plus régulièrement. Mais j'étais ce qu'on appellerait aujourd'hui, je pense, hyperactive. Donc, je faisais du sport, je faisais de la musique, j'avais plein d'amis. Et par contre, l'écriture a toujours été là. Alors, il me semble que quand vous avez commencé à écrire, ça a été surtout dans un premier temps des documentaires sur l'île de la Réunion, son histoire, son patrimoine culinaire, culturel, sa musique. Comment est né votre tout premier projet d'écriture pour les enfants? Et comment est née cette envie d'écrire pour les plus jeunes? Alors, en 98, effectivement, j'écrivais pour la pub à l'origine. Et puis, j'ai eu un grave problème éthique, on va dire, avec le métier que je faisais. Donc, j'ai voulu m'orienter vers d'autres choses, vers d'autres écrits, mais plus louables, moins mercantiles. Et j'ai rencontré une cuisinière qui faisait une émission de télé, et le premier livre que j'ai fait s'appelle « Du bonheur dans notre assiette », et un livre qui a connu un succès extraordinaire. Et puis après, ben, je faisais des livres de commandes, etc. Donc c'était très divers. J'ai fait des livres, comme vous le disiez, sur le patrimoine réunionnais. Et puis, il m'arrivait parfois de co-écrire ou d'écrire pour d'autres personnes et de pas signer. Et j'ai rencontré une éditrice, Claudine Serre, qui est arrivée de Paris, qui est arrivée à La Réunion en 2001, et qui, elle, a, je pense que le mot n'est pas trop fort, a révolutionné l'édition jeunesse à La Réunion. Et c'est elle qui m'a proposé, elle avait lancé une collection jeunesse chez Océan Jeunesse, et elle m'a proposé, elle m'a dit, bon, quand est-ce que tu fais ton livre pour les enfants, etc. Et je lui ai dit, ben, j'ai un livre en tête là sur les expressions françaises. Et elle m'a dit, ben, justement, ça manque à ma collection, c'est un projet qui m'intéresse. Et donc le premier livre que j'ai fait, le premier livre qui a été édité ici à La Réunion, s'appelle « As-tu la langue bien pendue ?» Et c'était un livre pour jouer avec les mots, ce que j'aime par-dessus tout, et là en l'occurrence avec les expressions françaises. Donc ça, c'était en 2008. Et puis si on fait finalement un grand tour, un de vos livres les plus récents s'appelle justement « Expressions mélangées », publié par 4 Épices Éditions. Et c'est un album où vous mettez en relation expressions créoles et françaises. Il est illustré par Flo Vandemersch, qu'est-ce qui rapproche, qu'est-ce qui distingue ces deux ouvrages parus l'un en 2008 et l'autre en 2024? Alors, je redécouvre avec vous effectivement le laps de temps qui sépare les deux, mais en fait, ils ont un lien direct puisque grâce à ce premier livre, j'ai commencé à faire des interventions dans les écoles, dans les bibliothèques, et donc chose que je fais maintenant très très régulièrement. Et quand j'arrivais avec ce livre sur les expressions françaises, c'était très ludique, j'avais développé des jeux autour, et très souvent, on me proposait des devinettes en créole, ou on me disait ah mais et on me sollicitait, si je peux dire. Les enseignants, les bibliothécaires, me disant « Mais quand est-ce que tu fais un livre sur les expressions créoles ?» Puis bon, c'était toujours dans un coin de ma tête. Et puis, je n'arrivais pas à l'appréhender. Alors déjà, au début, j'avais un problème de légitimité, étant aux oreilles, donc métropolitaine. Et puis, au fur et à mesure, à force de vivre à La Réunion quand même, je me suis intéressé plus aux créoles, etc. Et puis, il y a quelques années, je dirais il y a 3 ans à peu près, tout d'un coup, j'ai eu ce déclic que je cherchais depuis très longtemps, qui était une de mes obsessions, c'est de, on est sur un territoire où on a 2 langues et qui malheureusement, pour lesquelles malheureusement, il y a une hiérarchie souvent inconsciente, le français et le créole un cran en dessous dans certains esprits. Et moi, je voulais justement effacer cette hiérarchie des langues. C'est un peu un de mes combats. Et là, en l'occurrence, l'idée a été non pas de partir d'expressions françaises que j'aurais traduites en créole ou vice-versa, mais de trouver des binômes expressions françaises avec l'équivalent en créole. Je vous donne un exemple très simple et que tout le monde peut comprendre. Quand on travaille pour pas grand-chose, en français, on va travailler pour des prunes. Et en créole réunionnais, on va travailler pour la peau patate. Et donc, ça a été le déclic, ça a été de trouver ces 2 expressions et de les mettre au même niveau. Et ce qu'a apporté Flo van der Merch, que je suis allé chercher, donc elle, c'est une illustratrice de BD à l'origine, c'est qu'elle a eu l'idée, mais vraiment très astucieuse, dans ses illustrations, de mélanger les 2 expressions. Donc du coup, objectif atteint, c'est ludique, c'est valable. Alors on dit jeunesse, mais j'ai aussi travaillé récemment, j'ai fait des ateliers avec des lycéens et on a vraiment pris beaucoup de plaisir les uns et les autres. Donc j'allais dire que ces 2 projets, même s'ils ont, donc si je compte bien, 14 ans d'écart, ou même un peu plus, ils sont intimement liés. Fabienne Jonca, vous diriez que La Réunion vous inspire de quelle manière? Comment est-ce qu'elle nourrit votre écriture, votre créativité? Alors, moi, je suis très, très ancré dans mon territoire. Effectivement, je suis à La Réunion. C'est là où j'ai passé l'essentiel de ma vie. Donc, au début, je n'avais pas forcément conscience du fait qu'elle influençait mon écriture ou mon travail. Mais je m'en suis rendu compte en voyageant, et notamment quand je me suis retrouvé au Japon. J'ai travaillé, entre autres, avec l'Institut français au Japon et avec le lycée français de Tokyo, et je me suis rendu compte que quand on me demandait de parler de la France, de présenter la France, etc., à des Japonais, moi, ma France, c'était La Réunion, donc j'ai présenté la cuisine réunionnaise, l'architecture réunionnaise, etc. Et donc, j'ai vraiment... c'était, comme je vous disais, inconscient. Après, c'est vrai que dans ce que j'ai écrit beaucoup de livres sur le patrimoine, à chaque fois en m'entourant de spécialistes sur le patrimoine réunionnais. Mais finalement, les sujets que j'ai pu aborder, que ce soit les religions, que ce soit la différence, etc., même si ce sont des sujets universels, je pense qu'ils m'ont été quand même inspirés par La Réunion, puisque La Réunion, c'est un petit laboratoire dans lequel on vient quand même de plusieurs continents différents, même si ça s'est fait au fil du temps, depuis 1630, mais... je pense qu'on a ces différents apports culturels qui contribuent à notre ouverture aux autres, notre ouverture à l'autre. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'album qui s'intitule « C'est la Réunion des religions », je crois. La Réunion des religions, c'était un ouvrage... Alors, celui-ci, c'était un ouvrage de commande. C'était un sujet que je maîtrisais fort peu. Et c'est une éditrice, là encore Claudine Serre, qui voulait faire un livre sur les religions. Parce qu'il se trouve qu'à La Réunion, très souvent, les enfants découvrent ça, tout simplement parce que quand ils sont petits à la cantine, dès la maternelle, moi je m'amuse quand je vais dans les écoles, vous avez des petits pictos parce qu'un tel ne mange pas de bœuf, un tel ne mange pas de porc, L'autre, ben, ce jour-là, il va manger que du poisson, ou ainsi de suite, ou d'autres sont végétariens. Et donc, souvent, les enfants rentrent par là et posent la question. Et la plupart du temps, il y a, c'est le contexte religieux qui fait qu'on ne va pas manger telle ou telle chose. Et donc, là, j'ai cherché un petit temps, j'ai cherché 6 mois, comment aborder cette histoire des religions. Et puis, l'idée, ça a été de dire, c'est un enfant qui vit à La Réunion et qui dit, chez nous, il y a plus de 20 croyances et religions. Et on va balayer comme ça 8 religions, les principales, on va dire, celles qui sont les plus représentées. Et il va aller finalement, dans toutes les religions, il y a des fêtes. Et ça, on le vit, nous, au quotidien. Moi, j'ai été invité chez des amis de différentes religions pour des fêtes. Et donc, ce petit enfant va aller à chaque fois participer à une fête. Et une fois que j'ai écrit son histoire, j'ai dit à l'éditrice, oui, mais les enfants vont poser des questions et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne saura pas répondre. Donc, pour chacune des 8 religions présentées, il y a 4 pages documentaires. Et là, j'ai fait beaucoup de recherches, etc. Mais bon, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le groupe de dialogue interreligieux à La Réunion. Et donc, ils ont tous relu l'ensemble des textes pour corriger le cas échéant. Voilà, donc il y a eu des corrections. Et donc, ils ont aussi bien relu les textes que revu les illustrations. Parce que sur certaines illustrations, là, le livre a été très, très joliment illustré par Hélène Moreau, qui est une illustratrice qui vit en France hexagonale. Et donc, il pouvait y avoir des petites choses, mais vraiment que seuls des spécialistes peuvent déceler. Je pense à des couleurs de bougies ou autres. Et l'idée, c'était vraiment d'être le plus rigoureux possible pour ne froisser personne. Et le plus précis possible. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le groupe de dialogue interreligieux. Et vous parliez de votre travail avec cette illustratrice Hélène Moreau. Et c'est vrai que dans toute votre production, vous avez eu l'occasion de collaborer avec de nombreuses illustratrices et illustrateurs. On a aussi parlé de Flo van der Merch pour Expression Mélanzée, Iloué pour Flamboyant Père Noël, Julie Bernard pour Oiseaux Rares, Modeste Madoré aussi pour un album qui s'appelle Tu me fais tourner la terre. Comment se passent ces collaborations? Est-ce que c'est un peu toujours la même manière de procéder ou bien est-ce qu'à chaque fois ça a été des rencontres et des aventures très différentes? À chaque fois c'est des aventures très différentes. En fait, systématiquement, c'est l'éditeur qui choisit. Bon, pas dans le cadre de Expression Mélanzée, puisque j'ai édité l'ouvrage également, mais à chaque fois, c'est l'éditeur qui choisit l'illustrateur. Bon, on a des rapports, moi j'ai principalement travaillé avec des éditeurs réunionnais ou mauriciens, donc c'est vrai que j'ai envie de dire on a un peu un droit de regard, mais moi, comme j'aime bien expérimenter et rencontrer des gens, à chaque fois, ça a été de très belles expériences. Vous citez par exemple Iloé, qui elle est une illustratrice mauricienne, et sur les projets, ce livre a été édité en Flamboyant Père Noël, il a été édité chez Atelier des Nomades, et Atelier des Nomades, c'est une maison, on va dire, franco-mauricienne, puisque la fondatrice est originaire de Maurice. Et donc, comme le font les éditeurs réunionnais, elle a une ligne de conduite, si je puis dire, dans laquelle, sur chacun des albums, soit l'auteur, soit l'illustrateur, et alors dans son cas mauricien, chez nous, ça va être l'un ou l'autre est réunionnais. Une des plus belles expériences que j'ai eues, c'était avec un illustrateur russe, et ça, c'était assez fabuleux, sur un album qui s'appelle « Le petit garçon qui ne souriait jamais ». C'était assez extraordinaire parce que on n'avait aucune langue en commun. Donc, on lui a traduit le texte et on s'est rendu compte après, avec l'éditrice, on a traduit le texte en anglais, mais qu'en fait, il ne parlait même pas anglais, ce monsieur-là. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que tout de suite, il a dit OK pour illustrer ce texte parce qu'il a dit « c'est un peu mon histoire à moi ». Et mon histoire à moi, bon, l'histoire du petit garçon qui ne souriait jamais, c'est un petit garçon qui voyage tout le temps, qui déménage tout le temps, et du coup, ben, il n'a pas de copain fixe. Et en fait, il écrit. Il écrit pour ses penchés, il écrit sur des papiers de couleur, etc. Il met tout ça dans sa petite valise qui devient de plus en plus grosse. Et c'est vrai que Moi, c'est un petit peu moi, comme me le disent souvent les enfants, parce que j'écrivais tout le temps, j'écris tout le temps, etc. Et lui, Artem Kostyukevitch, donc cet illustrateur russe, c'était un peu son histoire à travers le dessin. Et ce qui a été assez extraordinaire, c'est que à l'époque, il habitait, maintenant il est retourné en Russie, mais il habitait à Hambourg. Et donc, je suis allé lui rendre visite, voilà, de façon complètement informelle. Et on est arrivé, ça je ne me l'explique toujours pas, mais on est arrivé à se comprendre. Et je pense que c'est, enfin, moi, c'est un des plus beaux albums et des plus beaux échanges que j'ai pu avoir avec un illustrateur alors qu'on ne parlait pas la même langue. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Alors, j'avais deux dernières questions. L'une qui portait sur votre tout dernier ouvrage, qui est un roman, Brown Baby, paru aux éditions Atelier des Nomades, qui a déjà reçu plusieurs prix. Donc, c'est un roman pour une tranche de lecteurs un peu plus âgés, adolescents, grands adolescents, adultes. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à cette histoire des Brown Baby, ces enfants métis qu'ont eu les Jays afro-américains basés en Europe après la Seconde Guerre mondiale et qui ont été rapatriés aux États-Unis? Alors, il y a quelques années, je travaillais sur un projet documentaire, là, c'était un projet de film documentaire sur les Cape Colored, donc les métis sud-africains. Et comme je voulais passer à la réalisation et au documentaire, je regardais beaucoup, beaucoup de documentaires. J'aime bien regarder comment sont faites les choses. Donc, je regardais entre un et deux documentaires par jour pour étudier la forme, etc. Et c'est parmi ces documentaires que je suis tombée sur un documentaire qui m'a particulièrement touchée sur les Brown Babies. Donc, j'ai découvert ce phénomène et... ça a été vraiment un choc et c'est l'injustice à la fois de ce qui a pu se passer, mais aussi le fait qu'on ne connaisse pas cette histoire, que ça soit complètement passé sous silence, qui m'a vraiment heurté. Et donc, c'est devenu une obsession. Alors, bon, je travaille toujours sur plein de projets différents. Et puis là, j'avais ces histoires de Brown Babies qui revenaient. Et j'ai fait quelques recherches. En fait, il y a très, très peu de ressources. Il n'y en a quasiment pas en français. Et très vite est apparue pour moi l'idée de faire une fiction, parce que je pense que c'est une autre manière d'aborder aussi la grande histoire et que ben, à travers l'expérience individuelle, et on peut tout à fait toucher à l'universel. Et donc, j'ai travaillé pendant plus de 4 ans sur ce livre. Donc il y a en grande partie effectivement une fiction, mais j'ai fait énormément de recherches, puisque on va dire qu'il se déroule de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 2000-2020, et donc là j'ai fait beaucoup de recherches en histoire sur différents sites, mais l'idée c'était que tout ça soit très cohérent, qu'un historien ne puisse pas entre guillemets me prendre en défaut, mais par contre que ça reste quand même agréable à lire. Et j'ai eu la chance d'être, dans un premier temps, d'avoir obtenu l'aide à l'écriture de la région Réunion, ce qui m'a permis de prendre un peu plus de temps pour écrire, et puis d'être accompagné, puisque c'était conditionné, ça conditionnait la bourse à l'écriture, par Maud Simoneau, qui m'a suivi à distance, qui est très connue dans le monde de l'édition parisien. Et donc j'ai réécrit, elle m'a fait réécrire deux fois mon roman. Et puis elle m'a dit, voilà, là c'est prêt à être envoyé à des éditeurs. Et c'est vrai que j'avais déjà travaillé avec Corinne Fleury, et en discutant avec quelques personnes proches du milieu de l'édition, très vite j'ai entendu et compris que ce qui était important, c'était de travailler avec un éditeur engagé. Et l'Atelier des Nomades est vraiment une maison d'édition engagée. Corinne Fleury est vraiment, vraiment dans cette ligne-là. Et elle a accepté de prendre le texte à condition que je le retravaille. Et ce qui a été assez extraordinaire, c'est que grâce à elle, j'ai pu vraiment aller plus loin dans ce que je voulais dire. Donc il y a eu un véritable accompagnement, un véritable dialogue. Et je pense que Brown Baby ne serait pas ce qu'il est sans son accompagnement. Fabienne Jonca, est-ce qu'il y a une histoire aujourd'hui que vous avez envie de raconter et que vous n'avez pas encore racontée? Il y en a mille. Il n'y en a pas une, il y en a mille, effectivement. C'est qu'il y a plein de choses. Après, c'est prendre le temps prendre le temps d'écrire. J'ai des projets pour les enfants, mais là, j'ai un projet pour adultes qui me tient à cœur et je pense que sans abandonner les enfants pour autant, je pense que mon prochain travail, ce sera un livre à l'attention des adultes plutôt. Alors, le sujet est sous embargo encore. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne Jonca. Au revoir. Carabistouille, le magazine. Fabienne Jonca vient de nous parler d'Expressions mélangées, parue en 2024 aux éditions 4 épices, illustrée par Flo van der Merch, dans lequel elle fait dialoguer des expressions imagées créoles et françaises. Je vous propose un coup de projecteur sur quelques albums pour continuer à jouer avec les expressions idiomatiques. Grâce à ces albums, petits et grands pourront explorer l'imaginaire propre à chaque langue et tisser des liens entre les langues. Tout d'abord, les 8 albums de la série Le Petit Linguiste, paru aux éditions du Jasmin dans les années 2011-2012 et toujours disponible à l'achat. Ces albums écrits par Laurence Hamels présentent de manière ludique les expressions liées au corps humain, à la nature, à la nourriture et aux animaux. Ils sont illustrés par Fabien Ferré pour l'espagnol et par Amandine Ciosi pour l'anglais. Ensuite, comme cul et chemise, abécédaire multilingue des expressions idiomatiques par Christelle Inzi. Dans cet album paru aux éditions Migrilude, en 2011, on s'amuse à reconstituer une expression française en retrouvant le mot manquant parmi ceux qui sont proposés. Et on peut s'appuyer sur les indices proposés sur la page de gauche qui donnent en allemand, en anglais, en italien et en espagnol la traduction littérale de cette expression et son équivalent dans chacune de ces 4 langues. Enfin, savez-vous ce que veut dire « piquer un coup de soleil à l'île Maurice » ou encore « avoir un coup de soleil à Haïti » Vous trouverez la réponse dans « Lâche pas la patate », mots et expressions francophones, texte de Marie Treps et illustration de Gwen Caraval, paru en 2009 aux éditions du Sorbier. Carabistouille, c'est pas pour les nouilles ni pour les andouilles. Voilà, Carabistouille, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux de l'émission, Fréquence Carabistouille sur Instagram et aussi sur Facebook. À bientôt. Au micro, Nathalie Zanon. Et aujourd'hui, je reçois Michel Atangana, qui est l'auteur d'un livre « Survivre à l'injustice » paru aux éditions Le Cherche Midi, qui relate votre expérience de vie qui est quand même particulière. Racontez-nous ce que vous avez vécu comme... C'est une douleur d'existence, pour être plus précis. J'ai connu une détention en cellule qui a duré 17 longues années au Cameroun. J'étais expatrié français, envoyé en mission par un accord franco-camerounais. Et j'ai été oublié quand les tribulations ont commencé. J'étais enfermé dans une cellule à la gendarmerie nationale. Et la France m'a complètement oublié pendant 13 longues années. Alors la prison, surtout dans ces conditions où vous avez été enfermé, c'est vraiment difficile, mais c'est encore pire quand on n'est pas du tout coupable. C'est même pas, si c'était la prison encore, c'est, la prison c'est difficile, mais c'était dans une cellule, dans un camp militaire. Et donc ça dit, ça montre le caractère renforcé de la non-culpabilité. C'est-à-dire, vraiment, c'était une machination judiciaire pour me garder enfermé. Alors, vous avez fini par... ça a duré de quelle année à quelle année ? J'étais arrêté en 1997 et j'étais libéré en 2014. Et depuis 10 années, je me bats pour que la vérité soit connue et que la justice française statue ici en France sur les violations que les Nations Unies ont statuées depuis 2013. Parce qu'ils ont un petit peu tendance à penser qu'à partir du moment où vous êtes libre, le plus gros est fait. Mais en fait, pour vous, c'est vraiment pas suffisant du tout. Ce qui est important, c'est d'être réhabilité et qu'on dise la vérité. Voyez-vous, l'être humain retrouve sa dignité quand son équilibre intérieur est là. Et je ne suis pas capable d'abandonner ce combat. C'est inimaginable d'y penser même un seul instant. J'ai été libéré par un décret de grâce présidentielle qui n'efface pas les séquelles de la condamnation. Et je me bats aujourd'hui pour que la vérité soit connue et que ma liberté soit totale et intégrale. Alors, juste en incidente, c'est vrai qu'on, pour comprendre un peu le contexte, que pouvez-vous nous dire sur le Cameroun, son régime, ou pour qu'on comprenne un petit peu? Je me refuse à en faire un débat. Les médias relaient, je dirais, l'identité judiciaire du Cameroun, l'identité politique du Cameroun, qui, pour les uns, n'est pas une école de la démocratie telle que l'Occident le veut. Il y a un président de la République, oui, qui s'appelle comment actuellement ? Paul Biya, le président Paul Biya, qui est président depuis plus de 40 ans. Oui, d'accord. Rien que ça, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup d'alternance Donc, politique. La France a accepté cette idée de stabilité parce que la France estime que la stabilité est parfois guise de sécurité. Donc, je ne me prononce pas sur ces débats politiques, mais ce que je sais, c'est que moi, j'étais victime d'une forte injustice, d'une machination, d'une manipulation, d'une instrumentalisation et qui a détruit une bonne partie de mon existence. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas détruit, justement, que vous ne vous êtes pas suicidé, que vous avez tenu le choc ? La détermination que je relate dans mes deux ouvrages montre que il faut que certains acceptent de dire avec détermination, avec force, ces injustices qui sont passées sous silence, ces violences que personne ne veut voir, ces hommes qui vivent dans les sous-sols, au vu au-dessus de tout le monde et que personne ne veut voir. Ou bien, quand ces hommes et ces femmes sont libérés, on leur demande de passer à autre chose. Ces hommes qui subissent la pression de la raison d'État, ces hommes qui subissent, je dirais, les humiliations les plus cruelles et indignes et qu'on estime qu'ils n'ont pas le droit à se plaindre, à demander justice. Et je me bats pour eux, je me bats pour ces personnes. Et j'estime qu'aujourd'hui, la vie humaine a un prix. Chaque vie humaine a un prix. Et il n'est pas question de passer sous silence ce type de crime. Est-ce qu'il existe un mouvement, une association de lutte contre les détentions arbitraires des Français à l'étranger ? Je l'ai créé, l'association, parce que quand je suis arrivé dans la structure des associations françaises qui accompagnent les victimes, dans le cas de France Victimes, il y a 130 associations, mais aucune d'elles n'est spécialisée pour les Français qui sont victimes de détention arbitraire à l'étranger. Donc j'ai créé l'association et je suis à l'origine d'une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui porte, je dirais, la notion de participer à faire en sorte que quand un Français est arrêté à l'étranger, quand il rentre en France, le juge puisse accepter, je dirais, les documents et enquêtes qui ont été faites par les ONG et les Nations Unies afin que ça... réhabilitation puisse être entamée. Vous savez combien de personnes sont concernées aujourd'hui ? Selon le Quai d'Orsay, nous avons environ, globalement, environ 2000 personnes qui sont arrêtées à l'étranger, dont 600 à 700 qui sont sans cause connue. Donc 2000 Français qui sont dans des cellules à l'étranger. Qui sont dans des prisons ou cellules à l'étranger, mais 600 précisément, dont le Quai d'Orsay ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc on peut supposer que ces Français sont aussi victimes de détention arbitraire. Et même ceux qui sont détenus, est-ce que tous ont bénéficié d'une justice équitable? Je ne suis pas sûr. Et est-ce qu'il y a eu des progrès depuis que vous êtes revenu et que vous luttez pour cette cause? Est-ce que vous voyez les choses avancer? Je pense qu'en ce moment, l'actualité nous montre qu'il y a en Iran notamment, il y a des Français qui sont arrêtés. Et nous avons l'actualité en ce moment avec le franco-algérien qui vient d'être arrêté, un auteur célèbre, talentueux, par ses prises et positions et en ce moment en cellule, en détention en Algérie. Donc je pense qu'à un moment donné, l'être humain devient une monnaie d'échange. Nous arrêtons parce que ça permet de pouvoir contester les lignes politiques et diplomatiques d'un État. Et c'est là que fait aujourd'hui que la détention arbitraire, à mon avis, elle prend des formes très graves. Robert Badinter disait au 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale que la détention arbitraire devient aujourd'hui la forme insipide de la peine de mort. Qu'est-ce qui, quand vous étiez en cellule, quelles ont été les aides que vous avez obtenues? Qu'est-ce qui a pu faire pression pour que votre condition s'améliore? Il y a eu les ONG qui ont fait un travail très important, Amnesty International, Freedom House aux États-Unis, la Fondation Kennedy aussi. Ce sont ces gens qui ont dit à l'État français et au Cameroun que ce qui s'est passé n'était pas acceptable. Et les Nations Unies ont pris une décision très importante. Il y a une structure qui s'occupe des cas individuels aux Nations Unies qui s'appelle le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui statue sur les violations massives des droits de l'homme par les États. Et ce groupe onusien a rendu une décision le 13 novembre 2013 qui dit que ma détention était arbitraire du début jusqu'à la fin et commande au Cameroun de régler la totalité des réparations, des injustices que j'ai subies. Donc voilà, ces instruments ont été majeurs et qui ont fait en sorte que le président de la République française, François Hollande, a écouté ces rapports, a pris une position publique qui est à l'origine, je dirais, du changement fondamental de l'attitude des autorités camerounaises qui ont fini par me relâcher le 14 février 2014. Merci. Je recommande ce livre « Survivre à l'injustice » de Michel Thierry Atangana, paru aux éditions Le Cherche Midi. On va faire une pause musicale et on continue ensuite à parler avec vous. The sun will come out tomorrow, bet you bottom dollar there tomorrow. There'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. I'm stuck with a day that's gray. And grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow, come what may. Tomorrow, I love you tomorrow. Vous êtes sur Fréquence Protestante dans l'émission du Mouvement de la Réconciliation. Je reçois aujourd'hui Michel Atangana, qui est auteur de « Survivre à l'injustice » par aux éditions Le Cherche Midi, et d'un autre ouvrage d'ailleurs qui s'appelait, je crois, « Otage judiciaire, 17 ans de prison pour rien ». Vous dites que votre vie vous a finalement donné une mission, et vous donnez ce conseil, ce bon conseil dans votre livre en disant « Et vous cherchez votre mission ». Essayez de voir ce à quoi Dieu vous appelle. Dans la vie, nous parcourons l'existence à gauche, à droite, étant convaincus que nous sommes les meilleurs dans ce que nous faisons, ou bien nous sommes à la bonne place. Nous gagnons de l'argent, nous bougeons, nous faisons des mouvements. J'ai vécu une vie assez accélérée dans le travail. J'étais heureux. Mais j'ai découvert dans la prison une autre façade de la vie. Une façade où l'être humain, l'être intérieur, compte beaucoup plus que les apparences extérieures. Donc j'ai durement travaillé cet état de fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de voir la vie différemment, de lui donner un autre sens, une autre signification. C'est ça qui est difficile à vivre souvent sur le moment et à accepter sur le moment, mais même les épreuves les plus abominables peuvent vous permettre de bouger et d'avancer dans la vie. C'est là où la lecture des Saintes Écritures est toujours très utile. Je pense que avoir des références qui dépassent notre entendement humain nous permettent d'élever l'âme au-delà des sphères terrestres, et de penser autrement, et de mieux penser, et de mieux aussi comprendre sa petitesse et sa faiblesse, qui ne sont pas une dévalorisation de l'être humain. C'est plutôt une réalisation de ce qu'on est réellement. On est faible par des forces qui sont parfois invisibles, et des forces qui sont parfois visibles et qui font beaucoup de mal. Mais il faut demander à Dieu la force. Il faut être accroché à Dieu. Quels sont les passages qui vous marquent dans la Bible? Quels sont les passages qui ont été importants pour vous pendant cette détention ou qui sont importants pour vous aujourd'hui? J'ai un passage de Jérémie qui m'a toujours beaucoup frappé, chapitre 28 ou 29. Jérémie dit, quand vous êtes... il parle au peuple juif qui partait en déportation. Il leur dit, de là-bas, soyez prolifiques. Gardez confiance en Dieu. N'écoutez pas, je dirais, tous ces démons intérieurs qui vous diront que tout se passera bien. Prenez femme, travaillez au salut de cette nation qui vous accueille, et c'est de là-bas que Dieu viendra vous saluer, vous sauver. Et quand j'étais arrêté, ce passage m'a beaucoup frappé. Ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit que même dans les épreuves, Dieu peut se révéler dans cette ténèbre. Mais il ne faut pas rester endormi, il ne faut pas se laisser entraîner dans une forme de résignation. Je crois que la résignation est déjà l'échec garanti. Donc, il y a des passages douloureux dans la Bible, Job et autres, mais je pense que le livre de Jérémie m'a beaucoup aidé pour actionner en moi une volonté de me lever chaque matin, aux aurores, faire ma prière, comme si je devais bénéficier de la liberté. Et chaque jour, pour moi, était important. Il y a une chanson populaire que j'aime beaucoup, qui avait pris sens aussi, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman, quand il dit « Encore au matin ». Un matin peut déterminer toute l'existence. Donc, à partir du moment-là, refuser le suicide, refuser de se perdre et gagner chaque matin pour avancer. Vous avez eu envie de voir le jour se lever, c'est important pour vous? C'est très important et ça reste une des quêtes que je garde aujourd'hui depuis 10 ans que j'étais libéré. Il m'a été privé de voir le soleil se lever. Et chaque matin, quand le jour se lève, c'est une poésie de l'existence. Donc vous dites, l'espérance, il faut avoir confiance dans l'avenir, mais c'est aussi vivre l'aujourd'hui, chaque matin, et ne pas se laisser limiter à sa situation de victime, mais être actif de sa vie, dans ce qu'on peut trouver comme encore liberté de... Exactement. C'est-à-dire il faut pas se faire, il faut avoir une capacité de décentrement. L'anéantissement est là. C'est des mots, certes, mais là, dans la souffrance, ces mots doivent être mis en pratique. Il ne faut pas en faire des mots, des slogans. Il faut vraiment entrer dans cette dynamique à l'intérieur et voir les corses que revêt cette situation réelle. Elle est pratique, elle n'est pas du tout, ce n'est pas une philosophie. On est dans une souffrance. On ne sait jamais si le matin, on sera encore vivant. Dans un camp militaire, dans l'arbitraire, vous avez la réalité que tout peut arriver. Je peux effectivement ne pas voir le matin suivant. Donc, si je vois le matin suivant, je rends grâce à Dieu et j'avance. Ne pas accepter la résignation. Il faut aller de l'avance. L'espérance nécessite une action. Une action de refuser résolument seul mal qui m'est fait, qui m'est imposé, est la résolution de dire à Dieu, Seigneur, je suis entre tes mains. Si je dois mourir, que je meure dans la dignité. Alors, vous avez lu beaucoup la Bible. Vous avez aussi, vous êtes penché aussi sur des personnes qui pouvaient vous éclairer par leur modèle, leur vie. Quels sont ces saints ou toutes ces personnes qui vous ont frappé? Est-ce qu'il y en a qui vous guident encore un peu aujourd'hui? Dans le livre, je parle tellement de ces figures. Et j'ai la quête de puiser la force à travers l'expérience.